Vous venez vous détendre? Installez-vous et profitez avec Kulten Geek. Et bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Kulten Geek, l'émission 6 de cette saison 4. L'équipe, cette semaine, il enchaîne les maladies depuis quelques jours, il fait une indigestion de hate, c'est bien sûr notre spécialiste tech, Yacine. Bonjour Yacine. Yo Rémi. À côté de lui, nous avons notre première demoiselle, celle qui enchaîne les non-propositions à chaque qu'est-ce que c'est notre spécialiste what the qu'est-ce que c'est, oui, what the fuck, qu'est-ce que c'est, Maïlys. Je pensais que t'appellerais Renata. Non, j'ai changé, t'as vu, j'ai changé l'ordre. Et un autre jeune homme, il n'était pas là la semaine dernière et pourtant il a participé via Twitch avec nous, G-Wolf. Bonsoir, bonsoir. Il a bonsoir. Participé, hein. Il a participé, oui, c'est important, c'est un nouveau verbe. Et enfin, on termine avec notre soleil levant, celle qui nous fait manger un dictionnaire japonais-français de force en 10 minutes. C'est bien sûr Renata, bonjour. Bonjour. Keken. De quoi? Kekon, oui. Ça veut dire quoi déjà? Oh, je ne sais plus. C'est la mariée. Tu sais même pas ce que... Non, c'est le mariage. Oui, c'est ça. C'est à peu près la même chose. Oh, je suis désespérée. On est parti, top départ de l'heure. Au programme, le What the Fuck de Maïlys, l'instant nippon de Renata, le top ou flop, le qu'est-ce que c'est, l'actu web de G-Wolf, les coups de cœur du web de l'équipe, les débats dans Kulten Geek. Aujourd'hui, il sera question de Blizzard et de Fortnite. Il y aura bien sûr le vrai ou faux, mais tout de suite, comme d'habitude, on commence l'heure avec l'actualité des réseaux sociaux. Bienvenue à tous dans l'émission 6 de cette saison 4 de Kulten Geek, ça démarre tout de suite. Et dans l'actualité des réseaux sociaux cette semaine, sur Twitter, ce vendredi, les tweetos n'étaient pas contents de la SNCF, qui était alors en grève surprise. Après donc les anniversaires surprises, les mariages surprises et autres fêtes surprises, vous pouvez vous amuser à également vous mettre en grève surprise. Cela fera sans doute très plaisir à votre patron, comme quoi à la SNCF, on est à la pointe de l'innovation. Sur Instagram, j'aurais bien aimé vous rapporter quelques news, mais malheureusement, il ne s'y passe pas grand-chose. Les vidéos longues sont toujours ignorées au profit des vidéos de yoga ou de méditation de jeunes femmes. Retour sur Twitter cette semaine, Riot Games a essayé de piquer la vedette à Fortnite. Visiblement, n'ayant plus d'idée, Riot s'appellera donc Blizzard Beasts. Comme quoi, il suffit juste de changer quelques skins, le nom et hop, le tour est joué. On peut sortir 5 jeux et modes sans trop se fatiguer la cervelle. Enfin, sur Facebook, en dehors de quelques images de manifestations, c'est aussi les articles concernant la sortie de la PS5 qui circulent. Après analyse, il semblerait que les news Facebook soient fournies avec un temps de retard. Il faudra donc instaurer une règle anti-spoil actu entre les différents réseaux sociaux. L'info social, ça s'arrête ici, on termine avec cette citation. On n'a jamais vu de tomates chanter, mais on a déjà vu une carotte râpée. Kulten Geek, c'est la meilleure émission. Faux ! Ou pas. Le vrai ou faux dans Kulten Geek. Avant de continuer, est-ce que je pourrais revenir sur un truc que t'as dit à propos de Riot Games que j'ai pas trop capté ? Riot Games qui a annoncé beaucoup de jeux, mais je crois qu'on en reparlera dans l'actu web. D'accord, de toute façon. Ok. Calmez-vous. Ça marche. Ah oui, non, mais c'est un teasing, tu vois. On annonce les trucs qui arrivent. Parce que j'ai entendu des annonces, mais pas autant que ça, en fait. Ah si, si. D'accord, ok. Je n'imagine même pas. Il y en a eu des annonces. Alors, on place tout de suite au premier jeu de cette émission, c'est le vrai ou faux. On commence, est-ce que vous êtes prêts, les amis? Oui, du tout. Non. Oui, du tout, non. D'accord. Non, d'accord. Très bien, alors on y va. Vrai ou faux, c'est un ingénieur de chez Kodak qui a inventé le premier appareil photo numérique. Vrai ou faux? Appareil photo. Vrai. Ouais, vrai, allez. Faux. Oh là, on dirait que ça en bat les couilles, en fait. J'ai Norman à côté de moi. Faux. Mais elle, c'est vrai. Ok, alors... Non, elle a dit faux. J'ai dit faux, moi. Oui, ça, il n'y a que moi qui n'ai pas répondu. Là, c'est moi qui dis vrai. Alors ça. Ah, t'allais dire la réponse, hein. Ouais, alors Non, je vais dire que c'est Nikon. D'accord. Eh bien, en fait, c'est vrai. Mais l'entreprise n'a pas commercialisé le produit que son ingénieur venait de créer parce qu'elle avait peur que ça détruise les ventes de pellicules. Et elle avait bien raison. Vrai ou faux, la première publicité en France a été diffusée à la télévision le 1er décembre 1949. Oh, wow. Elle nous a posé une colle. Je l'ai déjà entendu, la réponse. Attends, répète, histoire d'être sûr. C'est très court, hein. La première publicité en France a été diffusée à la télévision le 1er décembre 1949. Ok, non, faux. Faux ? Je veux dire faux aussi. Pourquoi faux ? Non, attendez. Parce que j'ai fait une recherche sur mon... Non, je déconne. Pas du tout, hein. Je suis c'est sur jeuxvideo.com, il n'y a rien à voir. Je crois que c'était un 25. Tu crois que c'était un 25 ? Il me semble. Moi, je veux dire faux. Faux pour G-Wolf, faux pour Yacine, faux pour Maïlis, faux pour Renata aussi. Oui. Et bien effectivement, c'était faux parce que c'était en 1978. Voilà. C'était quand même un 1er décembre. Oui. 1949, c'est quand même abusé. Bon, je sais pas, les mecs après la Deuxième Guerre mondiale, ils se sont dit, allez, on va faire plaisir aux gens, des pubs sur la télé, etc. Bah tu sais, il y avait la reconstruction, donc il fallait de l'argent. Hein. C'est ça. C'est les premiers placements de produits de l'époque. Exactement. Et c'était à propos de quoi la pub? J'en ai aucune idée. Voilà. Le mec fait à moitié son taf. Hein. Ouais. Si, c'était pour le lait. Ah, c'était une pub. Tout à coup, t'as une illumination, on sait, c'est le lait, ouais, ouais. Non, c'est ça. Je me rappelle, j'étais présent, putain. Traumatisé. Je m'en souviens maintenant. Vrai ou faux, les valeurs des lettres au Scrabble ont été définies par leur fréquence d'apparition sur les couvertures du New York Times. Vas-y, c'est marrant, je veux dire vrai. Ouais. Ouais, vas-y, vrai. Ouais, vas-y. Vrai, vrai, vrai. Du Wolf? Ben faux. Il me fixe quand il réfléchit. Là c'est vrai. Tu sais pas. Moi j'adore quand il essaye d'aller contre nous, tu vois, mais qu'il a tort. T'es niqué gros. Effectivement, c'est vrai. C'est voilà. Donc ce n'est pas mis au hasard. Les valeurs des lettres, vous savez maintenant d'où elles viennent. Vrai ou faux, le film Retour vers le futur continue de cartonner encore aujourd'hui en Chine. Vrai. Vrai pour ça, toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi cartonner? Ça veut dire que les gens le regardent beaucoup en streaming? Non, ça veut dire qu'ils font encore des cartons avec Retour vers le futur. C'est leur taf un peu. Retour vers le futur en carton. C'est, non, mais ils font vrai, la DeLorean en carton. Sans la voiture, les gars. Ah bah non, sans la voiture, attends. Ah oui, oui. Qui cartonne, qui continue d'être regardé. Oh, Inch'Allah, là. Bah même chez nous, ça cartonne alors, dans un sens. Bah oui. Mais moi, vrai, je dis que non, parce que ça colle pas avec le Japon. Chine. D'accord. Faux pour Maïlis, vrai pour G-Wolf, vrai pour Yacine. Je vais dire vrai aussi. Et vrai pour Renata, et c'est totalement faux. Ouais. Pour une raison, c'est que la Chine a légalement interdit le voyage dans le temps. D'accord, voilà, ok. Sachez-le. C'est pour éviter de niquer le communisme chinois, c'est en fait. C'est ça, exactement. Donc mais c'est les gars, interdit. Ils font des clones. Oui, non, mais c'est cloné, c'est dans le présent. Oui, voilà, c'est ça. Ils font pas un retour en arrière, tu vois. Et c'est écrit dans les lois. Oui, oui, dans la loi, c'est légalement interdit le voyage dans le temps. C'est pour ça qu'ils feront jamais de Terminator, parce qu'ils savent qu'ils vont devoir envoyer quelqu'un dans le passé. Voilà, c'est ça. C'est depuis 2011 seulement. Hein. Seulement ? Oui. Parce qu'avant ça, c'était encore ok, tu vois. On se dit, pas avoir la technologie. Avant 2011, c'était ok. Ok, bah si jamais vous faites un voyage dans le futur ou dans le passé, il faut systématiquement dire avant 2011, quoi. Ils ont entendu parler de la fin du monde en 2012. Ils se sont dit, c'est un connard qui a voyagé dans le temps. Vas-y, on va interdire ça. C'est ça, à tous les coups. Vrai ou faux des réseaux sociaux, je vous pose d'abord celui de cette semaine. À sa création, l'inspecteur Gadget devait porter une moustache. Vrai, direct. Vrai. C'était pas ça la question? Bah mais vrai moi. De cette semaine? Moi j'avais vu avec des Teletubbies sadomasochistes. C'est pas celle de la semaine dernière, Maïlis. Ouais, non mais vrai direct. Il devait porter une moustache? Oui. Mais il en a pas eu? Bah non, il en porte. Dans le dessin animé, l'inspecteur Gadget, il ne porte pas de moustache. Je suis sûre que... Il y avait quoi dans tes croissants ce matin, Rémi? C'est moi qui les ai attrapés. Oh, merde. Je sais pas, mais je suis intéressé. Non, je pense que j'ai mis une substance illicite dedans, sans faire exprès. On vous rappelle que droguer ses coéquipiers, c'est mal. Non, mais j'ai croisé que des gens bizarres. Hein. Un mec qui faisait pipi juste en face de la radio, des caleçons par terre en plein milieu de la rue, enfin non. Moi, j'ai pas vu le mec, mais j'ai trouvé le pipi. Tu l'as vu? Ouais. Putain, horrible. Les caleçons, c'est un gars qui s'est fait jeter. Est-ce qu'on peut se reconcentrer, vous, s'il vous plaît? On est parti sur la piste d'un gars dehors, là, c'est rien à voir. Bon. Vrai pour Maïs. Ouais, parce qu'un inspecteur a une moustache. Pour Yacine et Renata. Dit Wolf. Il a dit vrai aussi. J'ai dit vrai également. Tu as dit vrai également. Eh bien, la réponse, la semaine prochaine. Vrai ou faux des réseaux sociaux de la semaine dernière? Je peux y répondre, j'étais pas là. Oui, mais attends que je pose d'abord la question, oui, s'il te plaît, d'accord? C'est le minimum. Vrai ou faux, la chaîne CNN a tout préparé, même une vidéo de la musique plus près de toi, mon Dieu, en cas d'apocalypse. Ah oui, j'avais répondu faux sur Facebook. Je m'en rappelle. Et sur Facebook, effectivement, il y a 75% de vrai, 25% de faux. Ouais, c'est moi le 25%. Il y a 4 personnes qui ont répondu. Toi tout seul. Et comme on a oublié de poster le sondage sur Twitter, on a que les résultats de Facebook, mais ça ne fait rien. Oups. G-Wolf. Non, pour une fois, c'est ma faute. Eh bien, mais je non, vous annonce. Faut toujours poser sur les autres la faute. Ah oui, pardon, G-Wolf, ça va bien. Oh mince. Eh bien, je vous annonce que la réponse, c'est vrai. Damn. Effectivement, CNN a préparé une vidéo à diffuser en cas d'apocalypse. Ça, c'est plus près de toi, mon Dieu. Plus près de toi, mon Dieu. Moi, j'avais dit vrai, donc moi, ça me va. Moi, j'étais pas là. D'accord. Voilà, sachez-le, en cas d'apocalypse, regardez CNN, il y aura de la musique au moins. Je suis déçu parce que t'as pas redemandé. Ça se prononce que neuneu. Que n'est pas CNN. Ouais, mais on s'en bat les couilles. D'accord. C'est comme Meporg. C'est comme Meporg, exactement. Merci Yacine pour cette intervention très utile. On passe à la suite. Et on passe tout de suite à la polémique de l'équipe. Certains disent que Serpentard est la meilleure maison de Poudlard. Pouf souffle. D'autres que Stargate dépasse Star Wars. Non. On bat les couilles, frère. Je ne suis qu'amour. Pas pour Cult & Geek, c'est la polémique de l'équipe. La polémique de l'équipe, c'est bien sûr le sujet débat dans la semaine dans Cult & Geek, dans l'émission, oui. Tu as raté un truc. Est-ce que tu avais cette caméra-là sur pendant le jingle? J'avais la caméra grand angle. Merde. Ah oui, c'est pareil, hein. C'était visible. Ouais, mais de, moins, de plus loin. C'est vrai. C'est du Yacine tout craché. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai craché, comme elle l'a dit, sur la... Non, je t'ai craché. T'imagines à cette distance? Les dépôts au fur et à mesure. Bon, j'ai fait un truc, mais tu l'as raté. D'accord. Bien. Bon, bah écoute, j'aurai la rediffusion du coup. Je regarderai ça. Très bien. La polémique de l'équipe. Parlons débat, parlons Blizzard et parlons Fortnite. Blizzard, pourquoi? Après le tournoi d'Hearthstone, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une grosse polémique autour de leur action de ban non seulement les streamers, mais aussi le joueur qui a pris position pour la manifestation à Hong Kong. Acte qui a été récupéré par notamment Epic Games, on en reparlera. Et puis Fortnite, on va en parler parce qu'ils ont fait un trou noir, ils ont avalé leur map et ils sont ressortis deux jours après avec un chapitre 2. Quel sujet vous tente le plus pour commencer? En soi, les Chinois, on s'en fout un peu, non? Non, je déconne. Blizzard, complètement Blizzard. Ouais, Blizzard aussi. Allez. Allez, partons sur Blizzard. Donc, la polémique, est-ce que vous avez suivi, vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Que ça doit être le quatrième à se faire virer pour Hong Kong. Oui, ça pour c'est possible. Pour prise de position de, sur prise de l'histoire position de Hong sur Hong Kong, Kong ouais, ouais, c'est possible. Moi, j'ai... Enfin, à la base, j'avais pas suivi, j'avais vu la news passer, tu vois, mais j'avais pas vraiment regardé, en fait, à quoi ça se rapportait. Et franchement, le joueur en lui-même, il a très bien vécu le truc. Enfin, il a posté des messages sur Twitter, etc. Franchement, très modeste, très humble. Enfin, comme quoi, il avait pas à le faire pendant une compétition, en fait, et que il le ferait. Enfin, il montrerait son soutien prochainement, mais sur ses réseaux personnels. Donc, voilà. Et que, il était déjà content que, ils aient revu à la baisse oui, parce que sa punition. C'est un ban life qui est passé à ban de 1 an. 6 mois après. Ils l'ont encore réduit à 6 mois. Ouais. Donc voilà, franchement. Ça n'a jamais été question de ban life. Hein. Moi, j'ai jamais entendu ban life. Au tout début, quand c'est sorti, c'était ban life. C'était quelques heures où c'est sorti, voilà, j'avais vu ban 1 an aussi. Mais bon, tant pis. T'as été sur une intox. Donc... Non, c'est l'atout de les 15 premières minutes. Ouais, bon, voilà, c'était sur le coup en fait, mais la vraie sanction, c'était un ban 1 an. Ils avaient fixé 1 an et après, ils ont revu à la baisse le truc. Et pareil, genre les deux intervieweurs, ils avaient dit qu'ils ne travailleraient plus jamais avec et tout. Alors que là, ils sont pareil, 6 mois, je crois, un truc dans le genre. Donc, après, je trouve qu'effectivement, comme tu nous avais dit, c'est plus en fait la réaction des autres personnes, plus que la réaction des membres concernés directement, tu vois. Genre, le joueur, il a bien vécu. Par contre, il y a une équipe, je crois, universitaire, quelque chose comme ça, qui, en Amérique, qui a lancé tout un truc boycott, Blizzard, je sais pas quoi. Et pareil, ils se sont fait ban. Hein, tout à fait, ils ont pris 6 mois pour avoir exposé une pancarte boycott Free Hong Kong, boycott Blizzard. Ouais, voilà. Et du coup, ils ont pris 6 mois pour ça. Mais moi, à mon avis, c'est juste quelque chose qui a été très mal géré de la part de Blizzard, en fait. Parce que le joueur, en soi, il est légèrement en tort, parce qu'il n'a pas à exprimer ses avis politiques en pleine partie. Enfin, ça n'a aucun rapport. T'es en plein tournoi, même si tu veux soutenir un pays ou des manifestations, c'est pas du tout le moment ou l'endroit pour exprimer ton avis politique. Techniquement, oui. Si tu es quelqu'un qui veut vraiment faire entendre ta cause, c'est le moment, puisque tout le monde. Mais après, faut assumer, quoi. C'est sanctionné. C'est quelque chose qui est interdit dans les conditions de Blizzard, dans lesquelles tu n'as pas du tout le droit de parler de choses politiques, religieuses ou autres. Ouais, normalement, ouais. Mais d'un autre côté, le fait que Blizzard ait, on va dire, essayé d'évincer le gars. Avec le ban life, comme a dit Rémi, puis 1 an, puis 6 mois, c'est à dire que déjà ils sont ravisés petit à petit en se disant que en termes d'image c'était pas ouf, parce que c'est vrai que même si le gars a parlé politique, toi en tant que société, soit tu le remets à sa place gentiment pendant le tournoi et après coup tu peux essayer de discuter avec lui sur les conditions, mais tu fais pas ce genre de choses. Enfin, c'est complètement con pour une image de marque. Oui, il y a eu beaucoup de choses. Après, sur Twitter, il y a eu le hashtag boycott Blizzard, donc les gens qui désinstallaient le launcher Blizzard plus tous les jeux Blizzard. C'est ça. Et supprimer leur compte carrément. Ils vont le télécharger après. Oui, ouais, non, ils vont le télécharger exactement. Mais du coup, après, il y a eu le moment où Blizzard bloquait les adresses mail. Alors, ils sont justifiés en disant que c'était un problème technique, que c'était pas leur faute. Ouais, mais quelques heures après que les gens aient gueulé sur les réseaux en disant c'est quoi ça, nos adresses mail sont bloquées, on peut pas supprimer nos comptes, Blizzard a débloqué la situation. Ouais. Donc, est-ce que c'était problème technique ou pas? Ça, on le saura jamais. Mais voilà, moi, à mon avis, encore une fois, je suis désolé de t'interrompre, mais c'est vraiment de la maladresse de leur part. C'est qu'ils ont pas su comment gérer la chose. Oui, vraiment je pense pas que c'était la panique. Comment gérer la chose. Et j'avais un point, mais je l'ai oublié, je m'en rappellerai peut-être plus tard. Vas-y, Jules. Tu ne t'es pas encore quoi manifesté. Si, il a parlé. Si, ah ouais, j'ai parlé. Si. Ah bah, c'est Maïlys qui n'a pas parlé. Un tout petit peu. Moi, j'ai parlé, moi, déjà. Bon. Même longtemps. On va parler aussi des autres studios qui ont récupéré l'affaire. Epic Games qui a annoncé « Nous, on fera jamais ça ». Alors Epic Games qui se trouve dans une autre situation très différente, puisque là, bah, du coup, Blizzard a dû réagir parce que bah, il a des jeux en vente en Chine. Mmh. Et forcément, Hong Kong, Chine, si quelqu'un prend position sur même, un de ces jeux, même, c'est un peu problématique. Permets-moi de rajouter quelque chose. Et j'ai pas fini. Ah, d'accord. Vas-y, si tu veux, vas-y, continue. J'ai bien aimé. Donc. Non, mais j'ai pas fini, là. Donc Blizzard, qui est donc Activision Blizzard, ou Tencent, l'entreprise chinoise qui fait les jeux vidéo là-bas, a des parts dans l'entreprise. Pour ce qui est de chez Epic Games, ils sont à plus de 50% des parts de chez Epic Games, Tencent. Donc du coup, Epic Games qui annonce « Nous, on ne fera jamais ça s'il nous arrive la même chose », est-ce que c'est pas un peu du foutage de gueule? Oui, c'est... Absolument. On dirait, hein. Je le redis, ils ont prévu un truc. Ils ont plus de 50% ou ils ont 50%? Ils ont 50%, aux alentours de 50%. Oui, mais ils s'en battent les couilles. Ils ont pas la majorité, donc de toutes les manières, Epic Games peut complètement se permettre de dire ce genre de choses. Ah, mais ils ont pas du tout. Ils ont que 5% chez Activision Blizzard, et pourtant, tu vois. Activision, en fait, l'Activision Blizzard, ce qu'ils ont voulu faire, et c'était ça ce que j'allais dire, c'est que simplement, ils veulent pas s'impliquer dans cette histoire. C'est tout simple. C'est une entreprise de jeux vidéo, c'est des gens qui sont là, qui font des tournois mondiaux, qui ont des personnes de toutes les nationalités. Si tout le monde commençait à revendiquer les problèmes qu'il y avait dans leur pays, les tournois n'avanceraient pas et Blizzard se retrouvait dans des polémiques incroyables. Ah, ça, c'est juste que vraiment, ils ont mal géré le coup en bannissant le joueur, etc. Mais c'est juste pour dire, bon bah les gars, c'est pas l'endroit ni le moment pour faire encore une fois ce genre de remarques. C'est tout. Epic Games, par contre, on le sait et on l'a toujours su, ils sont investis au niveau politique, au niveau environnemental, comme je sais pas si vous le savez, mais le patron d'Epic Games qui achète des hectares de forêts pour les protéger, par exemple. Ça a toujours été une entreprise qui était investie non seulement dans le domaine des jeux vidéo, mais qui adore foutre sa merde un peu partout. Voilà. Forcément. Ils ont jamais cherché à être neutre, en fait. C'est ça que je veux dire. Ouais. Ils sont investis, d'accord. C'est-à-dire qu'ils ont des idéaux, ils ont des avis, ils veulent les mettre. Voilà, exactement. Mmh, d'accord. Peut-être que dans ce sens-là, alors ils feront pas effectivement le même genre de. Mais ça reste un coup de com, hein, malgré tout. Mmh. Oui, ce serait toujours c'est comme le principal. C'est tous les concurrents de Hearthstone qui en ont profité pour faire leur pub. Voilà. À ce moment-là, en disant, venez chez nous, du coup. En soi, les mecs, ça se peut qu'ils soient complètement. Mais qu'ils n'en aient rien à foutre d'Hong Kong. Ah oui. Après, ils s'en foutent que quelqu'un vienne gueuler ça pendant un tournoi Fortnite ou autre. Après, va savoir, hein, dans les coulisses, ce qui peut se passer. Un petit billet un petit billet sous la table, comme ça, et tu fermes ta gueule et tu refais plus jamais ça. Ça, tu c'est vois. Sûr. Ça peut toujours se faire. Mais d'un autre côté, les mecs, ça leur permet de faire vraiment un coup de pub et de rabaisser la concurrence. Juste, on clôture ce sujet. Attends, avec... je voulais faire une remarque. Oui, Yacine est notre politicien aujourd'hui. Oui, il se lance il en politique. Il est appuyé. Non. Oui. Il a forêt. Il a toujours été doué pour ça. C'est notre spécialiste What the fuck. Elle a sorti trois mots qui n'ont rien à voir. C'est ça. Là, on sent que les rôles, ils ont bien été distribués dans cette émission. On termine juste ce sujet avec. Simplement la polémique qui a enflé autour de Blizzard. Est-ce qu'on s'en fout ou est-ce qu'on s'en fout pas? Mal géré. Voilà, simplement. Moi j'ai vu la vidéo quand même. Je pense de comment ça s'est passé, un court extrait. Hein. Oui. Franchement, j'ai trouvé ça classe quand même. Classe? Ouais. T'as trouvé ça classe? Ouais. Il faut que. Qu'est-ce qui était classe? L'effet que ça a donné au moment où c'est devenu un trou noir. Ah non. Ah non, on n'est pas encore passé à ça. Okay. On était encore au sujet Blizzard. Oui, ok. Alors, on dit, belle transition. Belle transition, effectivement. On passe à Fortnite. Epic Games, on en a parlé. On passe tout de suite à Fortnite. Donc, alors, Mylis, qu'est-ce que tu en as pensé avant de que tu commences, Fortnite Mylis? Est-ce que je pourrais avoir la bouteille d'eau aussi? Et faut pas que je change de rôle. Hein. Je suis bien là à ma place. Allez, vas-y. Ouais, mais c'était classe. C'était classe, d'accord. J'ai vu une vidéo. Donc, l'événement Fortnite où toute la map s'est fait happer par un trou noir. Top. Ou flop, donc c'est plutôt top pour toi, Maïs, du coup. Moi, bon, sincèrement, j'en ai entendu parler genre deux jours. Genre après quand le jeu il est revenu, j'ai pas du tout suivi. Je te rassure, moi, c'est quand Rémi a proposé la polémique. Hein. D'accord. Voilà, on sent l'équipe au fait de l'actualité. Moi, non, moi j'ai fait un article là-dessus. Ah ouais, oui. Bah, le jour où il y a eu le truc, tu vois, le lendemain matin, j'ai posté un article là-dessus. Oui, ouais. Un article sur un site qui ne verra jamais de jour. Bah tant pis, parce que du coup je l'ai repris pour moi. D'accord, c'est pas grave. Très c'est bien. Pas grave. De quel site de quoi tu parles? Mais on peut savoir. C'est pas vraiment la peine. C'était un site sur l'avortement, mais on l'a pas gardé. Elle est sympa, celle-là. C'est dark. Bref. Moi je dirais plutôt top, perso. Top pour Renata. Yacine. Non, tu veux savoir un truc? Je me suis mis à jouer à Fortnite. Ah oui, ça a été super top. Okay, donc c'est top. J'ai installé ouais. Fortnite, j'ai exploré nouvelle saison, nouveau chapitre, nouvelle map. J'avais pas kiffé le système de jeu, etc. à l'époque, parce que tout le monde était beaucoup mieux que moi, quoi, on va dire, il y avait plus de skills. Là, je me mets de ouf. Jamais sur un truc qui est tout nouveau. Enfin, j'ai kiffé la nouvelle ambiance en fait. Le nouveau thème, la nouvelle ambiance, c'était bien réussi. D'accord. Et l'événement top. Ouais, t'es top de ouf. Top. Et G-Wolf. Eh ben complètement top, parce que je ne joue pas à Fortnite, mais je reconnais qu'ils gèrent pas mal les événements. Je me souviens par exemple du concert qu'ils avaient fait en jeu avec Marshmallow. C'était incroyable de faire un concert comme ça sur un jeu et de faire de l'animation dans le jeu, c'est du marketing 3.0, c'est incroyable ce qu'ils font. J'avais vécu aussi un autre événement de Fortnite par un pur hasard, hein. c'était à l'époque où ils avaient changé la map pour mettre il y avait les espèces de cratères là un peu à la Halloween. Mm-hmm. Et à un moment ils avaient mis sur l'île qui était tout au milieu, j'ai une voix de merde parce que je suis malade, ils ont mis une espèce de fontaine super belle avec plein de coffres et tout, mais c'était vraiment la zone du milieu de map. Et entre, pour faire la transition, ils avaient fait un espèce d'effet pas trou noir, mais comme une espèce de faille où tu te retrouves dans le vide, tu flottais, et hop, t'es relancé dans la map avec les derniers joueurs, et tu te retrouves dans cet endroit-là. Mais c'était par pur hasard, c'était un pote qui était en train de me carry en plus. D'accord. C'est la seule game que j'ai fait du premier chapitre de Fortnite. Et en termes d'event, ils sont vraiment ouf. C'est-à-dire qu'ils te sortent des trucs de malade. C'est ça. D'accord. Non, franchement, là, ils ont bien réussi. En plus, ils ont pas juste fait, mis le trou noir qui a aspiré la carte et puis après, plus rien, tu vois. Ils ont supprimé tous les messages. Putain, il y a l'accent qui est ressorti, plus rien. Il est puissant, hein. Alors, c'est peut-être juste parce que je suis malade. Ah, peut-être toi aussi. En fait, on a tous chopé la carte. C'est crème, pour ça que je suis en train de siroter mon thé, bien, tu vois. Oui, parce que du coup. Là, je l'ai entendu, là aussi. Vas-y, continue. Il était bien. Vous allez me laisser parler. Qu'est-ce que j'étais en train de dire, madame? Oui, parce qu'ils ne se sont pas contentés, en fait, de juste reprendre la carte, en fait, aspirer la carte. Ils ont, en plus, supprimé tous les messages sur leurs réseaux sociaux et ils ont mis une vidéo en direct sur plusieurs réseaux, notamment Twitch. Et au total, ils ont quand même réussi à dépasser tous les standards, c'est-à-dire 70 millions de vues sur cette vidéo-là, tu vois, genre. Enfin, tu imagines, t'as fait. Ils ont vraiment laissé poireauter tout le monde était en train de se dire, mais est-ce que vraiment Fortnite c'est fini? Bon, il fallait juste réfléchir deux secondes pour savoir que mais non. Oui. C'est quand même Fortnite, mais ils auraient les couilles, hein. Ah mais franchement, vraiment, complètement. Franchement, moi je me suis dit c'est trop classe si Fortnite est fini là. S'ils veulent lancer un autre jeu, mais en mode vous allez jouer qu'à ça, ils peuvent très très bien détruire le monde de Fortnite. Bam, c'est fini, on n'entend plus rien pendant facile une semaine. Et là d'un coup t'as un nouveau jeu qui sort sur l'Epic Game Store. Moi je me suis dit possible, ça ce serait classe. Genre, mais moi je très classe, grave moyen. Mais vu la thune qu'ils ont encore à se faire avec Fortnite, ce serait tiré de mal dans oui, le pays. Non, ça serait pas pour maintenant. Non mais voilà. Après, ma seule question par rapport du coup à la nouvelle au nouveau chapitre, c'est est-ce que ça va aller vraiment le coup tout ce truc, parce que moi je m'attendais du coup à d'énormes changements et j'ai regardé plein d'articles et tout pour savoir un peu ce qui avait changé en termes de gameplay. Il y a du changement, Il y a du changement. En termes de gameplay, il y a attaqué. Oui, j'ai découvert qu'il y avait un bug de bateau où les bateaux volaient en fait. Bah oui, mais les bateaux, tu utilises le boost, tu peux planer sur une petite distance. Mais Vraiment, il y a des bugs où ils volent. Ah ok, d'accord. Ouais, bon, j'ai pas encore eu ce bug malheureusement. Faut croire que sur Switch, on n'a pas ce bug. Alors, je vais juste donner mon avis avant que vous passiez à autre chose parce que tout le monde s'en fout. Moi, je tourne la tête de temps en temps vers toi. Moi, franchement, l'événement flop. Parce que okay, voilà, c'est pour ça qu'on s'en battait les couilles. Non mais ouais, c'était bien de mettre un trou noir, mais honnêtement, si c'était pour deux jours après remettre la map et remettre le jeu en ligne, c'est pas la même chose. Mais tu voulais qu'il fasse quoi? Bah à part faire chier les joueurs, tu veux juste annoncer grosse maintenance. Mais terminé, non, mais quoi. là mais même ils viennent le coup de com, il était pas hype. Ouf. Non, mais bien sûr que bien si. Sûr que non. Mais tu sais que le jour même. Tout le monde, enfin le jeu le plus streamé sur Twitch, c'était du coup Fortnite, alors que League of Legends avait remonté ces dernières semaines. Mais attends, je suis désolé, t'imagines, ça valait pas la hype qui a été. Il y avait 70 millions de personnes sur un stream où il y a un putain de trou noir. Bah c'est ce que je comprends pas. Epic Games a mis son trou du cul en plein milieu de l'écran, a dit regardez ça les gars. C'était mieux que PNL qui avait fait ODD là, et puis pendant ils avaient mis. Un jour avant, une planète, enfin c'était un stream sur YouTube. Pendant 24 heures. Et il y avait la Terre et tu la voyais tourner. Pendant 24 heures, c'était ça. Et tout le monde attendait en se demandant ce qu'il allait avoir. Et puis, mais en fait, justement, c'est l'intention derrière, tu vois. Enfin, moi, je trouve que t'as complètement raison. C'est l'intention derrière, en fait, qui fait que c'est important. Genre, le truc en lui-même, mais c'est de la merde, techniquement. Mais juste, c'est l'intention derrière qui fait penser quelque chose aux viewers. Et du coup, ils se font tout un truc dans leur tête, quoi. Ouais. C'est complètement psychologique. C'est ça qui crée la hype, en fait. C'est ça. Après, pour en revenir rapidement à la question et parler des nouveautés, donc déjà, il y a des nouveaux véhicules comme les bateaux, les trucs comme ça. Il y a les nouvelles manières de se déplacer, donc le fait de pouvoir faire des plongeons et de pouvoir nager, chose qu'il n'y avait pas sur les anciens Fortnite. Oui, mais j'avais vu, ouais. Et on peut revive ses potes, en fait. Voilà. Non, tu peux porter tes potes, mais tu peux aussi les revive. C'est-à-dire que si le mec est mort complètement, à la Apex, t'as une balise, tu l'emmènes dans un petit camion et ça le fait. C'était déjà ça pour le premier. Bon, j'avais pas joué. Voilà, chose que j'avais pas vu, mais le portage. Tu peux porter aussi tes ennemis. Il y a des gens qui jouent au tennis avec leurs ennemis. C'est trop cool. Ça, c'est un truc de bâtard. Parce qu'il y a plein de gens qui étaient là. Oui, porter, c'est pas un truc nouveau dans les jeux. Ouais, mais là, tu peux porter tes ennemis, mon gars. Tu peux bien casser les couilles. Très bien. Donc le principal argument, tu peux porter tes ennemis. Exactement. Et voler en bateau. On va terminer là-dessus. Bah du coup, continuez à en discuter, vous qui nous écoutez directement sur les réseaux sociaux. Est-ce que Fortnite vous a happé avec ce chapitre 2, oui ou non? Et puis bien sûr, qu'est-ce que vous pensez de la polémique de Blizzard qui est maintenant un petit peu tassée? Et donc du coup, tout le monde a refait un compte chez Blizzard. D'ailleurs, pour ceux qui ont supprimé leur compte, ils ont perdu tout leur abonnement, oui ou non? S'ils avaient un abonnement ou tout leur jeu. Si tu supprimes définitivement, oui. Ah ouais, je crois. Ah, ils sont vraiment deg. Allez, on passe tout de suite à la première musique de cette émission avant les coups de cœur du web de l'équipe, l'actu web, le qu'est-ce que c'est et le moment Yacine. C'est All Stop Nows de JPB feat. Sandre. You'll miss that ice. Stop Now, JPB, Fit Sandre dans Cult & Geek. Et on passe tout de suite au coup de cœur du web. Chaîne YouTube, chaton trop mignon, l'équipe a flashé. C'est les coups de cœur du web dans Cult & Geek. Les coups de cœur du web, qu'est-ce qui a fait flasher l'équipe sur le net cette semaine? Regardons ça tout de suite. Je avec commence. Toi, G-Wolf. Yes, super. Alors, cette semaine, t'en avais un. Ça a été... Non, je suis très content de commencer. Ça a été le nouveau trailer de Red Dead Redemption 2 sur PC. Un trailer incroyable en 4K. Je suis le seul qui a pas suivi le délire de RDR 2 sur PC, en fait. Bah, il je arrive sur PC. Moi non plus. Bah, il arrive sur PC. Oui, je sais, très mais, bientôt, voilà. Mais je sais pas, ça m'a pas hype. Non, j'ai pas de PC. Et va voir le trailer et là tu seras hype. Ouais, non, mais bon. En même temps, ceux qui ont déjà joué à RDR 2 savent que c'est de la merde. Sur console, on n'a pas besoin d'y rejouer sur PC, il n'y a rien de nouveau. C'est vrai. C'est ça. Il y a des mods maintenant. C'est pour ça que je comprends pas trop en fait. Oui, en soi, tu peux cheater. Ouais, parce que le jeu est déjà sorti, les gens ils peuvent déjà être au courant de l'histoire. Ouais, mais sur PC c'est différent. Il a raison en soi parce que par exemple, GTA 5, tu peux le modder as fuck. Il a été modé de ouf. Skyrim sur PC, voilà. C'est pas la même chose que Skyrim sur PS4. Ah oui, clairement. J'ai pas dit ça. En soi, t'as quelques mods sur PS4, ton argument n'est pas valide. Continue. Ah oui, mais bon. Allez. Donc la bêta test sur console a été fait, il arrive sur PC. Tout à fait. Et moi j'ai très hâte, je vais l'acheter direct. Très bien, parce que tu l'as pas sur console. Pas du tout, j'ai pas de console. D'accord, bah t'as bien fait d'attendre. Yacine, ton coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est la sortie de... Enfin, la sortie prévue, à ce qui paraît, de Half-Life VR sur le Valve Index, qui est la plateforme de réalité virtuelle de Valve. D'accord. Et les mecs ils vont sortir un Half-Life en réalité virtuelle. Et d'accord. Pourquoi prévu? Parce que, enfin, avec Valve, on sait jamais, hein, Half-Life 3, on l'attend depuis des années. Donc là, il y a eu des annonces. C'est un peu comme Portal 3. Hein. Voilà, c'est ça. Ou Team Fortress 3 aussi. Oui, ça peut compter jusqu'à 3, en fait. Voilà. Il s'arrête à 2. C'est trop loin. En général, c'est... Ah merde, il y a quoi après le 2? Et après, l'autre truc qui m'a coup de cœur, enfin, du web, mais qui est pas si récent que ça, c'est Stadia qui va sortir, donc là, Stadia. En novembre. Et normalement, Inch'Allah, le test sera fait le jour de la sortie, comme ça on aura un retour très rapide. Très bien, 19 novembre donc. Voilà, c'est ça, donc je vais mettre 120 balles pour un truc qui n'est même pas matérialisé, t'as vu. Merci. Pour une merci, manette. Hein. Merci Yacine de te montrer... Sacrifié pour nous. Aussi volontaire. J'adore mettre 120 balles dans des trucs que pour moi et pas pour Kilton Geek, t'as vu. Ouais, en plus c'est 130, c'est pas 120. On a compris. Oui, c'est vrai, c'est 129,99, donc effectivement, voilà. C'est 130 balles. Renata, ton coup de cœur. Moi cette semaine ça a été très compliqué. Très très compliqué. Mais j'ai choisi une interview de Lindsay Sterling où en fait sur Combini. Du coup on peut la trouver soit sur Facebook soit sur YouTube. Et dedans il lui pose plein de questions, dont quel est son jeu vidéo préféré. Et elle doit le faire deviner en jouant juste avec son violon. Mm-hmm. Et bah on a le thème de Mario Bros. D'accord. Au violon. J'aurais dit Zelda. Moi aussi j'aurais dit ça, tu vois. J'ai été choquée qu'elle joue d'ailleurs celui de... Parce qu'elle a fait pas mal de covers de Zelda en fait sur sa chaîne. Absolument. Et pas tant que ça de... Très chouette en plus. Hein, elle s'habille, elle a fait du cosplay et tout dedans. Mais elle est trop bonne. Moi je m'attendais plus à un jeu BioWare, tu vois, parce que comme les Dragon Age, etc., c'est pas des jeux qui ont autant marqué que The Witcher. Et comme elle a fait quelques covers, je m'attendais à ce que ce soit un jeu comme ça qu'elle aime bien. Non, ça se voit que c'est une Nintendo fan. Ouais. Fan de Nintendo. Donc c'est ça. Voilà. Donc si jamais vous voulez retrouver, il suffit d'aller sur le site de Combini et vous retrouvez très facilement. Direction Combini. C'est ça. D'ailleurs, est-ce que vous savez ce que ça veut dire en japonais? Ça veut dire rapide. Habille-toi. Ça veut dire petite cabine. Non, c'est un endroit, un Combini. C'est un téléphone. Ouais. C'est une cabine téléphonique. Non. Mais la version de chez eux. C'est genre le speed dating. C'est un salon. C'est un salon. Non, vous savez, c'est une salle à manger. Mais c'est un frigo. FTG, le sexe. Ces commerces-là qui sont ouverts 24 heures sur 24 dans lesquels oui. tu peux aller acheter les trucs japonais, okay. Là où tu as un peu de tout et tu peux y aller 24 heures sur 24, c'est toujours ouvert. Donc, moi, j'ai pas le nom en français là tout de suite. Du coup, en japonais, ça s'appelle les combini. Voilà, moi, j'appelle ça une étoile. Ouais. Moi, ça existe aussi en Tunisie. Hein, c'est pas un concept qui est nouveau. C'est juste qu'au Japon, il y a pas comme ça. Bon bah merci. Merci messieurs. Maïlis. Je me suis définie avant. Moi j'en ai trois petits, on va dire. D'accord. Je suis autorisée. Vas-y, très rapide alors. Alors Supercar Blondie, elle présente sous forme de vidéo des voitures que jamais t'auras. D'accord. Ah ouais, je vois. Tellement que c'est... cher. Supercar Blondie. Très bien. Elle est bien. Et t'as le parfait inconnu. C'est un gars qui fait des vidéos avec toute sa famille et franchement ultra drôle avec des enfants super chiants, etc. Ouais. Voir sur YouTube plutôt. Et White Petit Trip. Coup de cœur pour celui où il perd son fils dans le supermarché. Voilà. Tu l'as Allez vu voir, ouais. Et c'est super drôle celle-là. Ah, je suis pas toute seule. Le seul mec qui a perdu son fils au supermarché que j'ai vu sur YouTube, c'est un mec qui gueule et qui lui dit plus jamais tu rentres à la maison. Oui, c'est ça. C'est exactement mais ça. Mais non. Si, c'est le parfait inconnu. D'accord. Et le dernier, c'est White Reaper, un groupe de musique que j'ai découvert juste hier soir à 23h minuit. Génial. D'accord, White Pendant qu'elle fumait son linge, t'as vu. Tranquille, non, posé. Ok. Donc, Supercar Blondie. Ouais. Le parfait inconnu. Ouais. Et White Reaper. Ouais. Merci Maëlys pour tous ces coups de cœur. Et on termine avec le mien de coup de cœur. C'est une petite vidéo que j'ai réussi à voir sur Twitter. Je vous l'ai dégotée. Donc du coup, là sur le stream, elle s'affiche actuellement. Et pour vous qui ne la voyez pas, je vous explique un petit peu. C'est un joueur de Fortnite. Il est un petit peu en hauteur. Et puis il voit un peu plus loin par terre l'ombre d'un joueur. Alors il tire dessus, il sort le bazooka, il tire plusieurs fois dessus, il essaie de se rapprocher. Et au fur et à mesure où il descend, il se rend compte que l'ombre qu'il voit, c'est celle de son personnage en fait. Voilà. Ah mais parce qu'il est au-dessus de la colline, putain, oui, le con. C'est vraiment arrivé. C'est vraiment arrivé. Genre il est à ce niveau là. Ouais non c'est moi ça m'a fait rire. C'est pour ça qu'il y a Singen maintenant sur Fortnite. Moi j'aurais trouvé ça encore plus drôle si du coup il s'était fait repérer, qu'il s'était fait déglinguer. Alors, tu vois. J'ai pas la suite de la vidéo mais c'est possible. C'est possible. Mais tu l'as la vidéo là je crois, donc oui, tu peux la diffuser. La vidéo a été diffusée sur le live. Ah super. Voilà donc. C'est juste nous qui la voyons pas. Exactement. Mais on fait semblant. Il y a vraiment juste vous voyez pas, vous voyez pas la vidéo. T'aurais pu la mettre sur notre écran. On a combien de gens qui nous suivent là? Là il y en a zéro. Yes. C'est pour ça que depuis le début je dis pas bonjour rien. D'accord, ouais, je comprends. Oui, mieux. Non, d'habitude je dis bon, merci, en même temps les gens ils ont certainement terminé leur taf, les cours il y a 9 minutes en fait. Mais on est samedi. Samedi mais... Merde, j'avais oublié qu'on était samedi. Je sais pas parce que moi je taffe le samedi, t'as vu. Oui, non mais effectivement, non, c'est les moi cours, aussi ouais, je taffe le samedi. Non, moi je pense que c'est parce qu'on n'a pas d'invité. Ouais, je pense que doit y avoir ça, ou alors c'est peut-être c'est le début fou. Des vacances scolaires. La semaine dernière, on était presque à 30, les gars. C'est pas cette semaine. Bah, en même temps, c'était tous des gens de comment ils s'appelaient déjà? Je sais plus. Nalfein. J'allais dire Nathanaël, voilà, j'étais pas sûr. Nalfein qu'on salue si jamais il passe par là. Oh là là. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces coups de cœur qui seront bien sûr à retrouver en extrait sur la chaîne YouTube. Et puis, on passe tout de suite à The Moment où on va parler de Riot Games. Yassine, tu es frappé. C'est bien sûr l'actu web. Pourquoi, Maëlys? Ça fait 8 fois qu'il monte et descend mon son. Ça me pète tes oreilles. Ah, mais non, pas du tout. J'ai pas touché au tien. Je te en fait. Jure que je le prends dans les oreilles. Ah non, j'ai pas touché le tien. Bon, j'ai touché. Réglez vos problèmes et on passe tout de suite à l'actu web. Du what the fuck jusqu'au so cute, c'est l'actu web dans Cult & Geek. L'actu web dans Cult & Geek, c'est bien sûr avec les news d'internet de G-Wolf. Ah là là là là. Bonjour. Bonjour. C'est bon, on a réglé ça en bras de fer et cassage de gueule. Et j'ai gagné d'ailleurs. Non, c'est pas vrai, il s'est excusé. Riot Games a posé ses bourses sur la table du marché des jeux vidéo avec une annonce exceptionnelle. Arrête de regarder, toi. Où on a pu entrevoir des images de TFT sur mobile, Teamfight Tactics, un jeu de cartes, un jeu de combat, un FPS, LOL sur téléphone et console, mais surtout une série animée Arcane. Alors pourquoi je dis mais surtout? Parce que je suis. Je vais faire mon fanboy. Attends, j'ai rien compris sur le truc des téléphones là. Je te déteste. LOL. Non, League pas, of Legends. Pas sûr. Wow, merci, motherfucker. Dis-moi, TFT là, c'est quoi? Teamfight Tactics. Ok, et t'as dit des jeux de cartes, FPS, nanani, nanana. Genre c'est un jeu de cartes et un FPS. Ah non, non, non. Temps, ouais, voilà. Alors oui, je non, reprends. Ils ont fait une annonce où ils montrent des images de TFT sur mobile, okay. Virgule un jeu de cartes, ah, okay, virgule voilà, un merci. Jeu de combat, un FPS, LOL sur téléphone et console, et ainsi que okay. Une série animée. D'accord, je pensais désolé, que le truc c'était un jeu de cartes, un FPS et un jeu tactique. Pas du tout, ça aurait été bizarre. The fuck. Ça aurait été très très bizarre. Alors, c'est tout en même temps en fait. Je vais faire mon fanboy pendant quelques temps parce que ça fait un moment que j'attendais quelque chose comme ça, vu la qualité des cinématiques que Riot Games est capable de produire. Ça sortira en 2020, Arkane. Ça va être dans l'univers du coup de Riot, de League of Legends, et j'ai extrêmement hâte. Mais cependant, les joueurs sont déçus parce qu'il y en a de nombreux qui espéraient un MMO de la part de Riot Games, mais pour l'instant, on n'a pas d'infos. On ne sait pas. Ils ont dit non, donc je pense que c'est un peu mort. Pense pas qu'ils se lanceront dans les MMO, par contre. Il y a déjà un FPS pompé sur Overwatch qui arrive. Ils vont pas faire en plus de ça un World of Warcraft bis, quoi. Ce serait dommage. Tu sais, aujourd'hui, en fait, à chaque fois que tu sors un MMO ou un FPS en équipe, c'est automatiquement du pompage sur autre chose, alors que pas du tout. Là, le FPS qu'ils prévoient, c'est mélange entre Counter-Strike et Overwatch. Ouais, j'ai vu les images. Dans le gameplay. Voilà, mais après, les gameplplays, en même temps, tu peux pas sortir. Les graphismes, c'est inspiré de Counter-Strike. Le gameplay, c'est Overwatch. C'est le projet A, là, je sais pas quoi, là. Ah non. Non, c'est pas ça. Non, mais TFT, quand tu regardes, c'est inspiré de Auto Chess de Dota. Non, mais quand tu vas me dire Overwatch, tout est inspiré d'Overwatch, Overwatch, à la base, c'est inspiré de Team Fortress. Alors non. Qui est inspiré lui-même de... Non, je sais plus. non, Team Fortress, c'était la base de la base, t'as vu. Mais Counter-Strike, Team Fortress, Overwatch, ces trucs comme ça, un 5v5 sur une map avec des objectifs, c'est un style de jeu. Tu vas pas dire que non, mais parce qu'ils sortent un truc dans comme le ça, gameplay, c'est pompé d'Overwatch. Dans le gameplay, c'est vraiment évident. Paladin, là, c'est vraiment pompé d'Overwatch. Calmez-vous, les enfants. Tout ce que je dis, c'est que TFT sur mobile, je trouve ça top, parce que moi, j'aime bien beaucoup TFC, et TFT, l'avoir sur mobile, ce serait même plus intéressant pour y jouer que sur PC. Je connais pas TFT. Le jeu de cartes, c'est Teamfight Tactics. Okay. Il va te le répéter. Un jeu de cartes, bon, ça je m'en fiche. Un jeu de combat, Wait and See. Le FPS seulement si on peut jouer des persos de LOL, genre Gangplank. Et LOL sur téléphone, next. Ça ne m'intéresse pas du tout. Wow. Mais quel avis tranché. Quel intérêt. Tu peux jouer à League of Legends partout, quoi. Hein? Tu peux jouer à League of Legends partout. Non, mais c'est une autre version, c'est pas un portage. C'est-à-dire que tu peux pas jouer sur téléphone et avoir les mêmes stats que si tu joues sur PC. Non, mais c'est sûr. Mais après, voilà, si par exemple tu te casses sur ton trajet de métro et que t'as envie de faire une petite game de LOL, mais que t'as TFT pas ton PC portable sur toi, t'as vu. Mais TFT, donc c'est quoi? TFT, alors c'est un jeu de gestion économique, c'est avec de stratégie, de placement. C'est-à-dire qu'en fait, tous les tours, tu as des cartes qui se sont proposées. Ce sont des persos de League of Legends avec un certain prix chacun. Et tu dois justement faire une composition avec ces cartes qu'on te propose. Il y a des... C'est un Hearthstone-like? Non, pas du tout. Okay. Il y a des buffs. T'as prévu quoi dans le KKC? Noble. C'est Yacine qui le fait. Noble Ranger, etc. tu fais ta composition et par rapport aux champions que tu as pris, ils ont des synergies entre eux. Tu organises ta défense et chaque fois tu affrontes. Ça se joue à 8. Hein, et c'est chacun pour soi. Et chaque fois, à chaque tour, tu affrontes quelqu'un d'autre qui a aussi organisé sa défense et vous tapez dessus. Les combats sont automatiques et tu peux stuffer tes personnages et voilà. D'accord. Et ça arrive sur mobile et console ça ou juste sur mobile? Juste sur mobile. Mais okay. C'est déjà sur PC. Puisque c'est un mode de LOL en fait actuellement. Ouais, mais moi j'ai pas de PC, j'ai un Chromebook. Alors, je viens de le dire, vous m'avez saoulé, je vais continuer. En fait, c'est League of Legends, tout à fait. Teamfight Tactic. Voilà. Ensuite, je vais résumer rapidement Fortnite 2, parce que je suis quand même obligé de passer dessus. Alors, c'est très simple. Trou noir, collégien en larmes, A+, les V-Bucks, tweet d'Epic Games, rebonjour les V-Bucks, téléchargement, plus trou noir, et pouf, Fortnite 2. Bien résumé. Meilleur résumé ever. Tout le monde est heureux, tout le monde est content, et les V-Bucks coulent à flot. Encore une fois, bien joué à Epic Games, ils se débrouillent très bien en com. Suite. Chapeau. Ça vient. Info flash. Ah. Overwatch est sorti sur Switch. Oui. C'est la fin de l'info flash. On était dur. J'adore ça. Alors, ensuite, on en a parlé tout à l'heure, mais par rapport à Blizzard, les sanctions, arrête. Non, en fait, j'ai la flemme d'en parler, c'est pas intéressant. Alors. Non, mais on l'a déjà dit. C'est un magnifique. Non, mais c'est un sketch, ton moment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Netflix et South Park? Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. South Park, c'est quoi South Park? South Park. C'est un mode de League of Legends, ça aussi. Teamfight Tactics. Alors, allez, explique. Juste après la sortie des épisodes sur la plateforme, Netflix a communiqué sur Twitter la raison de pourquoi il n'y a pas toutes les saisons et pourquoi il manque des épisodes dans celles proposées. La première raison qu'ils ont donnée est que des épisodes ont été censurés lors de leur première diffusion en France. Ils sont considérés comme dénigrants auprès de certaines communautés par les autorités audiovisuelles. Du coup, pour respecter tout ça, mais ils ne les ont permis. Spark. Sauf que, rebondissement, le CNC qui sort de on ne sait pas d'où, qui dit Bah non, on n'a pas le droit de censurer, nous, donc qu'est-ce que vous racontez? Alors, alors Netflix, il rebondit tout de suite avec un nouveau tweet qui dit « Ah, Eratom, désolé, selon la première explication, enfin la première explication était fausse, et ils ont juste diffusé les épisodes que les ayants droit ont donné, tout simplement. » Et du coup, on s'est dit, mais c'est quand même un truc de chelou, pourquoi ils nous mentent? Pourquoi au début ils ont dit ça alors qu'ils savaient la vérité? Et pourquoi le CNC tacle d'un coup? Alors quelqu'un a mené son enquête un peu sur Twitter, puisqu'il a dit qu'il trouvait ça un peu bizarre, cette censure de certains épisodes, puisque faut savoir que les saisons ont été nettoyées. C'est disponible qu'à partir de la saison 15, c'est-à-dire que les saisons les plus correctes. Sauf que, même dans ces saisons les plus correctes... C'est celle qui tacle le plus, hein. Il y a des épisodes qui ont été justement retirés, en fait, à chaque saison, il manque des épisodes. Et du coup, quelqu'un s'est dit, mais comment ça? Enfin, il a lancé tout un débat par rapport à cette chose. Est-ce qu'on peut vraiment censurer du contenu comme ça, même si sachant que, excuse-moi de t'interrompre, il y en a qui se sont rendus compte que, par exemple, pour Retour vers le futur 2, il y avait certaines scènes qui avaient été censurées aussi de la part de Netflix. Ah oui, qu'ils ont coupé comme ça en mode. C'est vrai qu'ils ont coupé des trucs sans vraiment. Comment dire? Sans rien dire. Sans rien dire, en fait. Ils ont adapté le contenu. C'est pour, du Netflix pour leur plateforme. Cut, en fait. En résumé, regardez pas Netflix. Bah, en fait, c'est ça le débat qu'il y a derrière. C'est est-ce que Netflix peut vraiment se permettre de tronquer certaines choses sans rien dire et de faire leur. Comment dire? Parce que quand tu charcutes un peu une œuvre, le message derrière est un peu modifié. Et si Netflix se permet de justement adapter toutes ses œuvres à leur catalogue de j'ai oublié le terme, mais c'est-à-dire que on fait un rapide exemple. Là, vous êtes en train d'écouter l'actu web, donc G-Wolf, tu peux continuer. J'ai pas compris. Tu peux, vas-y, continue. D'accord. Okay. Je vais faire mon exemple. Ok. Vas-y. Je disais juste que. Voilà, le message là est complètement modifié, vous entendez plus G-Wolf, par contre, si je réactive... Ah oui, tout à fait, bien joué. Voilà, c'était la Cult and Geek Cut. Mais par exemple, dans notre Cult and Geek, on a une ligne un peu, tu vois, on ne parle pas vraiment de politique, mais Netflix qui n'essayait pas de blesser les gens, justement, en tronquant des choses qui peuvent les blesser dans les œuvres. Sauf que le souci, c'est que, est-ce qu'ils ont vraiment le droit de, justement, attaquer les œuvres comme ça, de l'intérieur, juste pour que ça aille bien dans leur ligne, après, on est gentil. Après, South Park, en fait, c'est quand même le but, hein, d'être comme ça. Mais je sais, mais oui, le truc, c'est qu'ils ont tronqué South Park pour ne pas que ça aille à l'encontre de leur image. Puisque dedans, il y a des messages qui sont contre, par exemple, les communautés LGBT, les juifs et de ce genre de choses. Les chinois, les noirs, les blancs, les hispaniques, c'est contre non, mais tout, c'est South Park. Contre tout le monde, hein, pour le coup. Oui, je sais, mais vous connaissez les gens. Mais hein. Est-ce qu'ils le font vraiment, même sans en parler, du coup, aux propriétaires de l'œuvre, par exemple? Moi, je pense surtout à Retour vers le futur, parce que là, c'est des épisodes entiers, alors Retour vers le futur, c'est des scènes, mais ils le font genre juste comme ça, sans rien dire à personne. Sachant qu'en plus de ça, South Park est disponible gratuitement sur le site southpark.com, qui est donné par les créateurs de South Park, en fait. Voilà. Pourquoi c'est le cri, pardon, ça m'a choqué. J'ai cru que c'était une alarme d'un coup. Mais l'alarme. Pourquoi les gens ils vont sur Netflix regarder ça alors? Ah oui, non, mais parce que c'est beaucoup plus simple, Netflix, on va dire. Tu es sur ta télé, à part si t'as un Chromecast ou quelque chose pour balancer sur ta téloche ou on branche un HDMI, mais il y en a qui ont la flemme, tu vois. Ouais. Donc, en gros, c'est mal joué de la part de Netflix. Complètement. Très mal joué. Ils ont essayé de se donner une bonne image en essayant d'enlever des trucs un peu provocateurs, mais au final, ils se sont tirés une balle dans le pied. Est-ce tout, G-Wolf, pour l'ActuWeb? Ouais. C'est tout. C'est tout, merci beaucoup. Eh ben, y a pas de Maëlys, soucis. Tu voulais rajouter un truc? Non, je suis déçu que ce soit terminé, là, voilà. Ah, d'accord. Je suis désolé. Rassure-toi, ça revient la semaine prochaine. Eh oui. J'ai soudainement des sueurs froides dans le dos, quoi. Ce sera mieux la semaine prochaine, là, je t'ai fatigué. Bon. Merci, G-Wolf, l'ActuWeb, qui sera bien sûr à retrouver en extrait, en audio, en petit morceau, parce qu'on va cutter un petit peu des scènes qui sont contre l'image contre de Cutting Geek. Voilà, à retrouver directement sur nos réseau. Et on passe tout de suite au Qu'est-ce que c'est ? Il était une fois un homme qui en fait était méchant, mais il était malade. Et à la fin, il meurt. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est maintenant, dans Cult & Geek. LOL. Le Qu'est-ce que c'est le deuxième jeu de cette émission et c'est avec toi Yacine que l'on va le faire. Mais juste avant, je vous rappelle bien sûr les règles. On doit résumer de la pire façon qu'il soit une œuvre, que ce soit un film, une série, un comics, un manga, etc. Et l'équipe avec au maximum 3 indices doit réussir à trouver de quoi on parle. Yacine, le résumé cette semaine, c'est toi qui l'as fait. Exactement. Alors on t'écoute. Je précise que j'ai déjà préparé ma rubrique. Voilà, donc j'ai préparé mon Qu'est-ce que c'est sous la douche. Hein. J'allais pas me casser le cul. Non, oui, non, t'as raison. Parce que préparer ma rubrique et le Qu'est-ce que c'est beaucoup trop. On le connaît. Ok. D'accord. C'est beaucoup trop. Donc, On est dans un monde où le style importe peu. Que l'on soit moche ou beau, seul le talent compte. Chaque jour, vous répétez la même chose et le but est simple, c'est d'en sortir vainqueur. Voilà, niquez-vous. Merde, j'ai oublié le nom. Hunger Games. Ouais. Non. Ah ouais? Labyrinthe. Alors attends, répète. Du coup, tu nous dois deux indices là. Oh non, un seul indice. Deux indices. Il allait trop vite. Bah attends, mais il me faut le temps de trouver les indices. Bah justement, répète, comme ça tu vas trouver. Bon, attends, j'ai le premier indice. Merde. Donc le premier indice, plus t'es beau, moins tu gagnes. Voilà. C'est un truc du style les Marseillais tu peux ou... répéter du coup. Donc je répète le tout. Ouais. Est-ce que tu sais que je viens de le faire si en mode dommage, il va falloir répéter. Tu vas peut-être donner plus d'indices. Bon, je précise que c'est un jeu. Ah. Mm-hmm. Là voilà. What? Mais est-ce que tu peux pas répéter du coup? Répète. Alors, je veux pas, hein. Attends, je vais y arriver. Alors, dans un monde où le style importe peu, que l'on soit moche ou beau, seul le talent, importe. Chaque jour, on répète la même chose et le but est d'en sortir vainqueur. Fortnite. Putain. J'allais dire Minecraft, mais d'accord, très bien. C'était pas si compliqué en soi. En plus, on en a parlé. On a parlé toute la journée, enfin toute l'émission. Ouais, moi, j'y ai pensé pendant toute ma douche. Comment ça, plus on est bon, moins on gagne. Parce que quand t'as ton skin qui est joli, on va dire, et avec des couleurs pétantes, tu te fais défoncer de loin, mais genre pas possible. Ah. Et je parle par expérience. D'accord. Ok, voilà. C'est ça que je voulais dire. T'as quand même... Ah oui, non, mais parce que hier, j'étais en train de faire une game, j'étais avec mon sniper, elle a joué un mec qui était en rouge fluo, que j'ai remarqué depuis des kilomètres, et j'ai réussi à le tuer comme ça. Et pourtant, un mec qui avait la tenue de base, donc no skin ni rien du tout, mais qui avait des couleurs un peu forestières, on va dire, je l'avais pas du tout vu, il m'a défoncé direct. Non, bah moi, je peux te dire que quand je joue avec le skin tout rouge de Pathfinder sur Apex Legends, je me fais dégommer. Hein. Ah oui, voilà, c'est ça, c'est même sur Apex, sur tous les jeux comme ça, plus t'as un skin qui est ultra flashy. Voyant, flashy, stylé, dynamique, tout ce que tu veux, plus tu te fais éclater ta race en fait. Ah ouais, non, tout à fait. Qu'est-ce que tu nous as prévu comme musique? Bah pas maintenant, la musique, c'est après le moment Yacine, bien sûr. Et ça tombe bien, c'est tout de suite. Celui-là, je l'ai préparé. Mais de quoi va-t-il nous parler? À ce qui paraît, tu parles de moi. On va le savoir très vite, c'est le moment Yacine. Et j'aimerais qu'on fasse une minute de silence à l'impro de Yacine, qui aujourd'hui est en PLS. Mais d'où l'impro de Yacine? Il est en l'a fait sur le cacossé, ça passe. Oui, mais là, d'habitude, elle est extrêmement sollicitée. Et aujourd'hui, elle est en PLS, elle est mise dans un coin. Mais non, mais... Parce que Yacine, abandonné. Pour la première fois de c'est cette pas émission, la première fois, c'est pas la première non, fois. Non, c'est pas la fois. Cinquième, merci. Je crois. Pendant la saison 2... Il y avait beaucoup d'émissions qu'il avait préparées. Exactement. Oh mon dieu. Et il avait écrit et tout, hein. Il avait ramené un petit cahier. Non, écrit, il y a des images, il y a tout ce que tu veux. C'est un site web. Le moment Yacine. C'est avec toi Yacine. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Alors moi aujourd'hui je vais vous parler de Tech Corner. Donc c'est des gens qu'on avait rencontrés à la TubeCon. Oui, dont l'interview est disponible, dans le reportage disponible sur la chaîne YouTube. Exactement. Et en gros Tech Corner c'est un peu une petite entreprise locale qui a été créée par un bonhomme qui s'appelle Christophe. Voilà, c'est avec lui qu'on a fait l'interview, hein, d'ailleurs, à la TubeCon. Et en gros, ce que c'est un peu une équipe qui va vous faire découvrir des produits e-tech, qui soient... e-tech, bien évidemment. Wow. Qui soient des produits d'entreprises locales, donc de personnes qui font des choses dans leur coin indépendant, ou même de gros objets qui sont connus sur le net. Là, on peut trouver aussi sur leur site des tests de produits, donc que ce soit des montres connectées, des smartphones, du gaming, des PC, etc. Vraiment, ils font ce que feraient les numériques, un peu. Voilà, mmh. si vous voyez le site. Et on a aussi la possibilité, voilà, de découvrir donc ces objets à travers la Tech Box, qui est comme un peu la High Tech Box, qui nous permet, voilà, de recevoir chaque mois une boîte pour en fonction de l'abonnement qu'on a, et qui a une certaine valeur avec des objets dedans. Voilà. Donc la Tech Box, elle va contenir des produits donc de créateurs indépendants, locaux ou mais de grandes marques, et elle s'offre sous deux offres. Ouais, disponible sous deux offres, une à 29,99€, bon, 30 euros quoi. 30 euros. Et qui dispose de 1 à 3 produits d'une valeur allant de 35 à 50 euros. Donc mm-hmm. soit tu gagnes 5 balles, soit tu gagnes, si je dis pas, ouais, 20 balles. Voilà. Les calculs mentaux. T'as vu, c'est super fort, ça je l'ai pas noté, en plus je l'ai fait de tête. Allez. Le retour de l'impro. Et la deuxième offre, c'est une offre de 99€. Enfin, 100 euros. Allez, je vais arrondir à chaque fois parce que je l'ai écrit en plus 99,99. Enfin, le mec s'est cassé le cul. Et c'est là qui contient donc 1 à 5 produits d'une valeur de 120 à 150 euros. Et on a un exemple de ce que c'est ? Alors, j'arrive. T'inquiète pas, j'arrive. Je vais aller plus vite. Après, t'as des tech box hors série aussi en fonction des mois. Là, par exemple, pour le mois de novembre, c'est une tech box autour de l'iPhone 11. Qui est à 60 euros et qui a directement un chargeur à induction de valeur de 30 balles. Un chargeur à induction ? Ouais, tu sais, c'est le truc où tu poses ton téléphone dessus et ça charge sans fil. Ah, d'accord. Moi aussi, j'avais pas percuté, ouais, chercher la poêle au milieu. Non, ça s'appelle induction, ce truc. Je me demandais quoi, tu mets ton téléphone dans la poêle et ça chauffe ? Non, c'est vraiment. C'est quasiment le même concept en soi. Ouais, je comprends. Et après, les autres produits, donc c'est une valeur de 100 euros au total. Hein, 30 euros, les 30 euros inclus. Du chargeur pour 60 balles. Moi, en fait, pendant la TubeCon, j'ai eu l'occasion de participer à un petit concours. C'était sur. Ah ouais, non, mais j'ai eu la chance de ouf. J'ai eu la chance. Non, mais il y va, il fait les interviews, il gagne des trucs. Et en plus, je gagne des trucs, t'as vu. En gros, c'était sur un jeu VR, sur. Comment ça s'appelle déjà ? Pirate machin chouette, où en gros, t'es en train de défoncer des petits vaisseaux qui arrivent sur toi. Ouais. Voilà, et j'ai balancé un score de 16 000. Le score qui était en dessous de moi, c'était 8000. Donc j'étais bien, t'as eu. Ah ouais, t'es allé fort. Hein. Bah en fait, j'avais déjà joué. J'avais tryhard le jeu. Donc quand tu m'as dit que c'était sur ce jeu, j'étais là en mode. C'est parti. Et voilà. Et donc en gros, le prix à gagner, c'était une tech box un peu exceptionnelle parce que cette fois-ci, c'est une valeur de 200 balles quand même. Et donc j'ai eu. Alors. J'ai eu une montre WeThings Move que je porte actuellement d'ailleurs, qui est voilà, à 99 balles calme. Et en gros, cette montre, elle fait rythme cardiaque, tension. Non, j'ai quand même pour la tension, elle ne le fait pas. Elle fait cuire les œufs. Ouais, grave. Elle charge le téléphone. Et une poêle intégrée. Elle mesure rythme cardiaque, elle mesure le nombre de pas, la qualité du sommeil. Elle fait réveil aussi en mode petit vibreur au calme. Le matin, c'est trop bien de se réveiller avec ça. T'as un truc qui vibre au poignet, t'as pas de sonnerie ni rien du tout. Mm-hmm. Et elle fait l'heure aussi. Parce que ça reste une montre. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est pas mal. Hein. Et en gros, c'est connecté au téléphone. Une montre qui donne l'heure. Du coup, je m'attendais pas à ça en vrai. Et en gros, t'as l'appli sur le téléphone et tu peux avoir le nombre de pas que t'as fait, la qualité de ton sommeil, le nombre de fois où t'as été interrompu. Genre vraiment, moi j'ai. De quand à quand j'ai dormi, t'as vu, c'est un truc de malade. C'est une petite montre connectée bien sympa. Quoi. Ouais, de ouf. Et t'as eu quoi avec ? Ensuite, j'ai une ampoule connectée aussi. Donc là, la avec variateur de lumière, non, sur mon téléphone directement. Dans l'image apparaît directement sur le stream. Voilà, que vous les produits d'ailleurs. Je sais pas si je les ai mis en ordre sur les images. Je sais pas, là on voit le hub USB. Le spoil. Donc l'ampoule, en gros, voilà, c'est avec variateur de lumière, c'est sur ton téléphone, t'es connecté par Bluetooth et elle fait aussi enceinte. Genre c'est une ampoule enceinte. Donc tu la fous dans ton salon, par exemple. Et après elle couche. C'est juste ouf. Tu varies la lumière, tu mets petite ambiance, allez 20% de lumière, tu balances une musique. Tu peux allumer à distance aussi. C'est par Bluetooth, donc non, ça sera vraiment en local, quoi. C'est quand t'es dans ton appart. Malheureusement, elle est pas compatible parce que j'ai un Google Home à la maison et elle est pas compatible avec le Google Home. Donc je peux pas dire genre à Google. Hey Google, allume ma lumière, t'as vu? Et voilà. Même de l'extérieur de chez moi, je peux pas faire ça. Par contre, je peux allumer ma télé quand je suis pas chez moi. Va me dire l'utilité, mais je peux. T'as un animal peut-être, ça peut être pratique. C'est ça, voilà, quand il se fait chier. Ou quand t'as un gosse qui se fait chier, c'est que tu laisses tout seul, c'est une très très bonne chose alors à si faire. Si t'as un gosse qui se fait chier tout seul chez toi, c'est que déjà. Il y a un truc qui va pas. Tout seul. T'as pas le droit. Ensuite, j'ai reçu un porte-carte électronique. Bon, je vais le montrer à l'équipe directement parce que je l'ai sur moi. Oh mon dieu. Mais il est préparé aujourd'hui. Hein. C'est un homme nouveau. L'ampoule connectée, elle est d'une valeur de 60 balles. Voilà. Okay. D'accord. Ouais, on est déjà sur le porte-carte électronique qui apparaît maintenant. Le porte-carte, en gros, qui est d'une valeur de 40 euros. Passe-moi la carte, s'il te plaît. Quoi ? Donc ça, en gros, quand je mets ma carte dedans, c'est connecté à mon téléphone, évidemment, et ça va me dire où est la position de ma carte et où était la dernière aussi position de ma carte, si ma carte s'éloigne trop. Si elle sort de la protection, ça va aussi m'avertir, me dire oui, la carte est plus dans le porte-carte, donc fais gaffe à toi, je sais pas si c'est toi qui l'as enlevé ou pas. Et ça bloque les ondes, c'est-à-dire que si t'as un sans contact, tu pourras jamais payer sans faire exprès après, sachant que si c'est encore dans son dans sa petite étui. Parce qu'il y a des gens qui ont une arnaque et tout, ils ont des espèces voilà, de machines ouais. et ils le collent à ton porte-monnaie pour c'est que pour ceux qui rêvent mal. Et en donc, Amérique, c'était très connu pendant les conventions qu'il fallait jamais avoir ta carte sur toi parce que à tout moment. Ou alors tu la mettais dans un espèce de truc en je sais pas quelle matière, peut-être aluminium. Ouais, c'est ça, ça bloque les ondes NFC donc ça peut pas passer. Et ça vaut combien ça? Et ça, c'est 40 balles. Ah, la pochette est moins chère. Ça se recharge en USB sur ton PC et ça se connecte en 2-2 sur Bluetooth, mais c'est vraiment le Bluetooth basse consommation. Donc vraiment, t'as j'adore pas. J'adore quand il dit Bluetooth. C'est la même chose pour la montre. Avec quelques postillons aussi. Bluetooth. Et le dernier truc, c'était un hub USB X-Storm. Magnifique le nom. Qui est d'une valeur de 40 euros aussi. Et en gros, c'est un hub USB, 4 USB 3. Je l'ai d'ailleurs sur moi. Oh waouh. Et c'est vraiment un nouveau. Il nous a tout ramené sauf l'ampoule. Ah oh ouais, en plus t'abuses, mais... regarde. L'ampoule est dans ma chambre, hein, ça va. Voilà, le temps que Yacine donc, sorte. Voilà, il est en USB-C, donc pour les PC portables récents, c'est super utile. Moi j'ai deux USB-C et un seul USB 3.0, donc ça m'arrange. Je fous ça en USB-C et hop, 4 ports 3.1 qui sont plutôt rapides et très réactifs. Voilà. Pas mal, l'USB-C pas mal. De base. Et ça, 40 euros aussi. Et ça aussi, c'est 40 euros. Donc là, c'était vraiment une box spéciale pour le concours. Évidemment, si tu prends une box à 30 euros, ça sera pas vraiment la même chose. Il n'y aura pas la montre. Voilà. Bah après, ça peut monter jusqu'à 50 euros de valeur pour un seul et même produit ou pour trois produits en même temps. Donc ça peut trouver, enfin tu peux avoir des petites surprises sympas. Par contre oui, la box à 100 euros, je pense que il y a totalement moyen un mois d'avoir une montre connectée, des trucs un peu sympas, des petits gadgets assez marrants pour mettre chez soi ou sur soi d'ailleurs. Je parle de la montre évidemment, oui. Pas d'autre chose. Du moment que c'est pas dans soi. Non. Après alors, si une box spéciale coquinou, t'as vu, ça se peut que tu te trouves avec des produits à mettre en toi. Mais bon. Coquinou. Avoir les offres. On peut changer de moment là. C'était très bien, ça m'a vraiment manqué. Mais voilà. En soi, Tech Corner, donc je vous laisse visiter le site. C'est vraiment une équipe qui est. Mais c'est local, en plus ils sont de Toulouse. Donc vraiment, c'est à deux pas. On peut les retrouver sur internet, aller directement chez eux, genre leur faire un petit coucou en mode salut. Ah, je vais leur faire la bise. Voilà, au calme. C'est que en livraison. Et c'est que en livraison. Ok. Voilà, la livraison, bien sûr, elle est comprise dans le prix. Donc c'est pas genre tu payes le truc plus la livraison. Et c'est chaque mois avec des thèmes, si on a envie d'avoir un truc, bah, par exemple pour l'iPhone 11, ou simplement avoir des surprises de produits assez intéressants. Comparé à une box high-tech où ce sera vraiment autour du gaming et des goodies de jeux vidéo, là c'est de la découverte de produits high-tech, encore une fois indépendant, c'est ça qui est cool, parce que des fois c'est des marques dont t'as jamais entendu parler, ou ça peut aussi être des grosses marques qui font des produits assez connus comme des montres connectées, parce que WeThings malgré tout, c'est du Nokia, c'est du truc Qualitat, voilà, donc qui est connu. Ouais, pour son retour, il nous fait un truc de Qualitat. Ouais, exactement, c'est ça. Ouais. Ouais, on est tous bouche bée. Et voilà. Merci Yacine. Tech Corner, c'est donc à retrouver directement sur leur site internet. Et même si vous êtes à Rouen, vous pouvez commander une tech box. Vous allez arrêter avec tout votre délire de Rouen là. Bon, écoute, on pense à eux, c'est déjà pas non, mal. Non, mais c'est vieux. Putain, j'avais oublié. Attends, il y a quoi, toujours d'actualité. Attends, il y a quoi à Rouen? Bah, lui briser. Ah ouais, d'accord. Non, mais parce que ça m'est sorti de la tête. Non, mais tu vois, genre, c'est c'est comme Tchernobyl, enfin, on s'en bat les couilles. Ça y est, c'est non, fini, mais, c'est non mais les blagues sur Rouen sont parties en fumée de toute façon. Oh, allez, mon Dieu. On fait une dernière pause en musique avant de retrouver le top ou flop, l'instant nippon et le what the fuck de la semaine. C'est I Got You de John G avec Jonning. When the fear takes it over and you can't breathe, when the tears take control and you feel all alone, when your mind is out of control and you feel it all torn down, I got you, I got you. When the fear takes it over, I got when your you. Life is on the line and you need me by your side, I got you, I got you, I got you. Gatchu, Janji, Fit, Jonning dans Kultengi, qui on passe tout de suite sans perdre de temps au top ou flop. Top. Flop. Le top ou flop dans Kultengi. Le top ou flop, c'est le dernier jeu de cette émission. J'oppose de noms de titres, de films, de comics, de mangas, de séries, etc. Et vous devrez me répondre si il est top ou si il est flop en fonction des notes de sens critique. Voilà, elle t'a pas respecté. Non. Mais je préfère ignorer. On commence avec deux animés. Lequel est top entre Bikini Warriors et Absolute Duo? Aucun. Bikini Warriors. Lequel est Lequel est top? Absolute Duo. Absolute Duo pour Renata, Bikini Warriors pour J-Wolf. Bikini Warriors. Bikini Warriors pour Yacine. Et on va dire l'autre, comme ça, ça fait un peu moins sexiste. Absolute Duo. Ouais. D'accord, donc on a les filles contre les garçons là. Bikini, bikini. Bah, moi, j'ai et pas... la bonne réponse est Bikini Warriors, 3,1%. Attends, attends. Merde. Les notes. Ah, d'accord. Bikini Warriors est noté à 3,1. Absolute Duo est noté à 4,9. C'est donc Absolute Duo. Mais Absolute Duo, je l'ai regardé, il était pas trop mal. On s'en fout, bikini, bikini. À 3,1. Non, mais c'est naze, j'ai vu ce que c'était. On continue avec ces séries. Laquelle est flop, Being Human ou True Quoi Blood? Pardon? Big on fait Human. Là Bing, c'est, je sais pas, c'est Bing. Bing. Ah, c'est Being Human. Being Human. Oui. Ou ah. True Blood. Ouh. True Blood. True Blood. True Blood. Le premier. Le premier. Being c'est Human. True Blood pour moi. C'est True Blood. Lequel est flop, Being Human? Ouais, moi pour je dis Wolf ouais. Et pour Renata. Et moi, Blood. Moi, je vais dire le trou de sang aussi. Pour Mélis et pour Yacine. Il essaye de nous menacer en faisant ça, mais j'en fais pas. Being Human est noté à 7,6. True Blood est noté à 7,7. C'est donc Being Human qui est flop. Moi, j'ai décidé de perdre aujourd'hui au top flop. Non, mais c'est bon, j'ai gagné. Ça marche pas. Quand tu essayes de perdre, au bout d'un moment, tu es un point. Non, non, non. Je perds, moi, aujourd'hui, je vous ai dit, ok. Entre ces films, lequel est top? Mission Impossible, Fallout ou Revenge? Attends, Revenge c'est le film ou c'est une Mission Impossible ouais. qui s'appelle Revenge? Non, c'est un film qui s'appelle D'accord. Revenge. Bon bah Revenge. Revenge pour Maëlys. Je le connais pas. Revenge aussi, j'aurais Je vais dire Fallout parce que mon but c'est de perdre. Je Mission Impossible Fallout. Je vais dire Revenge aussi. Revenge. Mission Impossible Fallout est noté à 6,8. Revenge est noté à 5,9. C'est donc Mission Impossible Fallout qui est top. Mais d'abord, le point de merde. Qu'est-ce que je t'ai dit? On continue avec cette dernière question. Lequel est top de gagner, entre tous ces jeux Nintendo? Est-ce que Fire Emblem Three Houses est top? Est-ce que c'est Super Mario Maker 2? Est-ce que c'est Mario Kart 8 Deluxe? Est-ce que c'est Animal Crossing New Leaf? Ou bien est-ce que c'est Tetris 99? En tant que fanboy, je suis obligé de dire Fire Emblem. Moi, je vais dire Fire Emblem aussi. Tetris 99 direct. Tetris 99 pour si Yacine. Fire Emblem pour G-Wolf. Et Renata. Et ouais. Pour Renata également. Bah, c'est les fanboys, hein. Mm-hmm. Et pour Maëlys? Mario Kart parce que je sais pas sinon. Moi, là, moi, je dis Mario. Non, parce que les autres, ça me paraît bizarre. Mario Kart 8 Deluxe ? Ouais. Très bien. Regardons les notes. Commençons par celui qui est le moins bien noté, qui donc absolument pas top. C'est Tetris 99, noté à 7,5. J'ai réussi à pas marquer de points. Continuons avec le deuxième. Super Mario Maker 2 à 8,1. Ex-aequo avec Mario Kart 8 Deluxe. 8,1. Juste au-dessus, nous avons... On est encore dans la partie. Fire Emblem The Three Houses à 8,2. Et enfin, le top, c'est Animal Crossing New Leaf. Oh non, en plus, c'était mon préféré. Non, mais... Je me suis dit, ça peut pas être lui. Tu sais quoi, quand je l'ai écrit, je me suis dit, à tous les coups, elle va trouver le top parce que c'est son préféré. Comment c'est Animal Crossing? Ouais. Comment c'est Animal Crossing? C'est génial, c'est trop mignon. Non, alors d'accord, peut-être sur DS, c'était marrant quand j'étais au collège. Mais ouais, c'est trop mignon. Non, mais les nouvelles versions sont mieux. Non, il est super L'ancienne, bien. Le New Leaf, j'y ai joué pour avoir joué sur. Sur des 2DS et 3DS XL. Il va sortir sur Switch début de l'année prochaine. Ouais, mais c'est pas le New Leaf, c'est un autre. Oui, mais c'est Animal Crossing, quoi. Oui. Donc, mais ouais, ils sont ouf, hein. Même le, le prochain sur Switch est pas mal du tout. D'accord. Dis-moi en plus. Sachez-le. Quoi? Tu viens de dire que Animal Crossing est ouf. Et ok, j'ai acheté une Switch. C'est pour jouer au jeu Switch. Juste pour Animal Crossing. Non, c'était pas comme C'est pas parce qu'il joue à Apex et à Fortnite qu'il n'a pas un cœur tendre au fond. Qu'il n'aime pas chasser. C'est parce que j'étais ancien sur PS4 que maintenant que je suis sur Switch, je suis pas devenu gentil. C'est pas parce qu'il a chassé des robots dinosaures sur Horizon Zero Dawn. Exactement, que je peux pas cultiver un petit champ sur. Non, je sais même pas ce qu'on fout sur Animal Crossing. J'en sais rien non plus. Tu cueilles en attendant d'avoir tu la vois, réponse. Il connaît plus de choses que moi sur ce jeu. Allez. Peut-être bon. Que Renata s'appelle sera aujourd'hui la plus méchante. Peut-être, on verra. Ouais, c'est devenu Renata nippon aujourd'hui. On va vérifier ça tout de suite avec l'instant nippon. C'est l'instant nippon dans Kulten Geek. L'instant nippon dans Kulten Geek, c'est avec toi Renata et G-Wolf. Il faut que tu m'expliques le mouvement que tu as eu au moment où on a envoyé aussi, jingle. Il a eu. Je m'installe. D'accord. Prêt à écouter. Donc ils sont installés, ils sont bien. D'ouf, ah, Renata a pas l'air sereine. Il m'exaspère. Très bien. L'instant nippon, Renata. Alors, on t'écoute. C'était un petit peu trop calme cette semaine, on va dire, sur Internet. J'ai rien trouvé de particulier. Donc je voulais absolument parler. Du coup, je lance une petite petit débat, tout petit, hein, parce que bon. Ouais, genre 4 minutes. Ouais, non, quand même pas. Mais bon. À 1h10 d'émission. Voilà. Donc on va lancer un petit débat. J'ai même pas encore parlé. Donc j'ai été voir la Maléfique 2 hier et j'ai fait quelques recherches après sur Internet comme ça et je suis tombée donc sur la bande annonce du film de Mulan qui devrait sortir en 2020. Est-ce qu'il y en a ici qui l'ont déjà regardé ou pas? Alors non. Déjà, le trailer ou Mulan? Non, trailer. Le trailer du nouveau live action, tout ça, non. Que va produire Disney. Not interested by this movie. Voilà. On a foutu tout en l'air, c'est ça? Parce que personne ne l'a vu. Non, pas du tout. Enfin, c'est juste comme ça. Donc voilà, je vous le dis. Donc j'ai regardé un peu le truc. Déjà, il n'y aura pas forcément tous les personnages originaux du dessin animé de base. Il n'y a pas le criquet, c'est ça, ou le dragon? Il n'y a pas le criquet, il n'y a pas le dragon. Il n'y a pas les trois travestis? Non. Quelle indignité. Mais en fait, il retient les trucs de base. Et en fait, j'ai regardé une interview que AGN Boss, je crois que c'est une chaîne YouTube, a fait avec des vrais Chinois. En fait, en leur demandant qu'est-ce qu'ils pensaient du trailer. Ils leur ont montré. Il y a des faux Chinois. Oui, c'est les farmers chinois qui sont en France. Ah, mais d'accord. Parce qu'elle a dit des vrais Chinois. Mais je voulais dire. Il y a des Chinois de contrefaçon, mon. Il travaille dur dessus. Tu veux que je mette un coup de pied allez, peut-être. Allez, continue. C'est des enfants. Non, ce que je veux dire, c'est avec des gens que qu'il a croisé dans la rue en Chine pour vraiment avoir la vie, on va dire, à la source. Yacine, arrête. Continue ta phrase. Je me retenais de c'est mon fou rire de tout à l'heure. Donc vas-y, voilà, il leur a demandé ce qu'ils ont pensé, il leur a montré le trailer, enfin à des enfants comme à des adultes ou à des vieux pour savoir un peu ce qu'ils pensaient, tu vois. Et bon, ça s'est mitigé. Et sachant que l'histoire ne sera peut-être pas respectée non plus. Ah merde. Parce que à la base, il y a eu un souci en fait avec donc un des cofondateurs entre guillemets de Disney qui est parti après avoir fait Mulan et que apparemment il aurait peut-être les droits en fait pour la pour le film. Du coup, ils sont les mecs qui veulent pas trop en dire. Non mais il a peut-être les droits. On a non pas mais parce qu'ils ont jamais il les a mis en procès et ils ont jamais divulgué le résultat du procès. Ah. Du coup, on ne sait pas ce que Disney a dû lui donner ou ce que tu vois. On ne sait pas quelle a été la transaction. Donc le fait que maintenant ils ne mettent pas les personnages emblématiques, ils mettent pas les musiques du dessin animé, ils mettent rien. Ils réutilisent juste Mulan et l'empereur. Mais ça c'est une histoire qui est vraie entre guillemets, qui est tirée de la culture chinoise. Ben ouais. Je pense qu'ils n'ont pas les droits du attends, coup. Juste, on peut s'arrêter deux secondes pour parler de Yacine qui galère. Ouais, moi je le fixe depuis tout à l'heure. Pas du tout. Alors déjà, c'est le moment de Renata. On va se calmer tout de suite. On écoute le moment de Nippon. Moi, je dis juste ça parce que sur le plan caméra où on voit Renata, ah, tu l'as zoomé. On voit vraiment que t'étais en train de galérer depuis 10 minutes. Tu sais que t'es genre avant moi sur le plan, donc on te voit plus voilà. Toi que moi d'ailleurs. Donc, non, on le voit même pas d'ailleurs. On voit juste. T'es sur que... ça. Non mais te cache pas sous la table, non mais sérieusement. Donc Renata, je t'en prie. Moi j'ai fini, on va dire, ma petite présentation, du coup j'écoute un peu vos avis dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'ils n'ont pas les droits, parce que sinon ils reprendraient tous les personnages, ils reprendraient les musiques et ils feraient parler notre et moi, nostalgie. Je pense que je m'en fous parce qu'il n'y a pas mes personnages préférés, alors ils vont non mais, non, mais voilà, du coup, de ce que j'ai vu un peu des images, ça a l'air plus, tu sais, les... Bon, je dis les films un peu à la chinoise, dans le sens où, tu sais, beaucoup de films d'action avec des scènes de combat, etc., très classe, en fait, vraiment dans le but ça de vrai. Faire... voilà, et du coup... Ouais, mais non, il n'y a pas le criquet, le dragon, je suis désolée, mais, ils vont non, se non, mais faire du voir. Coup, j'ai pas l'impression qu'on puisse dire que c'est un film Disney, en fait. Et même, il y a des nouveaux personnages, il y a un mec, le commandant Tseng, je crois, qui est donc le maître de Mulan, et Mulan a une sœur, maintenant. Mais Mulan, elle avait de toute façon une sœur ou un frère. Non, elle était finique. Non, je pense qu'on peut, on peut vraiment comparer Disney à Monsieur Krabs. Pourquoi ? C'est-à-dire parce que, c'est comme quand il fait le crabe croustillant 2 et qu'il lui demande pourquoi, il va dire j'aime l'argent. C'est exactement ça en fait. Disney, il va juste venir, ah, venez, on va refaire un Mulan, mais c'est pas Mulan, mais ça s'appelle Mulan. Mais les gens, ils le sauront pas que c'est pas Mulan. Et puis les gens savent pas qu'on n'a pas les droits, donc c'est ça. Bah oui. Argent. Moi je me dis, ça se trouve, c'est même pas un truc genre avec des musiques dedans, genre tu sais, un peu comme les films Disney, genre ouais. Tu vois. Moi je me dis, ils vont vraiment faire un film genre action. C'est un bon exemple. Ça va s'appeler Mulan et avant la sortie, ils vont rajouter, tu sais, un titre en mode Mulan, le retour de la vengeance du dragon, un truc à la con comme ça pour dire ah mais c'est Mulan mais c'est une autre histoire en Mulan fait. Mulan New Generation. C'est un bon exemple. C'est comme la Dragon Ball Evolution en fait. Ouais, tu vois, ça. C'est ça Dragon ça. Ball mais non, mais c'est Evolution. Et du coup, j'en profite. Est-ce que vous vous souvenez de Cendrillon 3? Non. Il y a eu 3. Eh ben voilà, c'est Mulan 2. 3. C'est le prochain Mulan. On s'en fout. Voilà, très je savais bien. Même pas qu'il y avait alors, 300 millions comme je vous montre monde. L'image de l'actrice qui a été choisie du coup pour le rôle. Vous me dites si vous pensez qu'elle correspond. Donc, ça, c'est la. Il y a deux images. Il y en a une, c'est quand elle est en soldat. L'autre à côté, c'est quand elle va chez la. Image chez que la je n'ai femme. Pas diffusée sur le live. Hein, non, non, c'est pas grave. Donc, est-ce que ce serait par hasard l'image que tu as mise sur le tweet, sur l'Instagram de l'émission? Non, pas non, du tout. Pas du tout ça donc en fait, ceux qui nous écoutent 100% à l'audio, montre à la ils ont droit à rien du tout. Et... Mais j'ai pas eu le temps. Non, j'ai bien. Alors, vers moi. Genre, je m'en bats les couilles, je te fous le téléphone. L'écran est éteint. L'écran est éteint. Donc alors, pour ceux qui nous écoutent en audio, je vous invite directement à aller voir sur Internet. Et pour non mais ça c'est normal. Ça va trop proche. Allez-y, ça c'est contre-productif. Pas la meilleure. Voilà. Et maintenant, pour les autres, on a vu un petit peu la caméra. Voilà, très rapidement. Mais du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que au moins le choix de l'actrice est bon ou pas? C'est pas un dessin animé. Bah, elle est chinoise. Je suis dépitée. Mais je viens de dire c'est un live action. Bah oui, mais moi je bug. Ah d'accord, ok. Bah non, c'est avec des vrais acteurs justement, c'est genre une réadaptation. Bah elle est chinoise. Moi j'aurais préféré, okay. Vu qu'on est en 2019, une actrice noire transgenre. avec les cheveux blancs cendres. Je m'attendais à une connerie, mais pas ça. Alors là, chapeau. Oh putain, il m'a tué. Non, en vrai, ça va. Comme actrice pour le personnage de Mulan, c'est. Pourquoi pas ? C'est ressemblant au personnage dessiné, quoi. C'est pas. Non, mais c'est ça, pas c'est si parce loin que ça. On n'est pas de la même ethnie. C'est pour ça qu'on trouve que ça se ressemble. Mais sans déconner. En vrai, ils se ressemblent pas. Alors, elle fait Mulan, quoi. Elle a une tête de Mulan. La vie des Chinois, pour la plupart, c'est que peut-être qu'elle correspond pas tout à fait parce que Mulan, dans le film, elle est quand même un peu. Une enfant. Dire garçon manqué dans le sens où elle a une petite image, sauf vraiment à la fin, mais elle a une petite image quand même, tu vois, de guerrière au fond, tu vois. Mm-hmm. Alors que cette actrice là est connue pour être très féminine et très élégante dans la vision chinoise. Bon, après qui sait, peut-être qu'elle va se faire pousser une paire et que ça va vraiment bien passer comme personnage. Je sais pas. Wow, en tout cas, qui commence à je vous invite à regarder le trailer. C'est une façon de parler. Je veux dire, peut-être que après, en tant qu'actrice, elle doit toujours s'adapter à son rôle. Donc bien sûr. Mais ça, c'est juste justement le premier avis en regardant le trailer. C'est ça. On postera le trailer sur nos réseaux sociaux et vous pourrez bien sûr donner. Et du coup, juste une petite news, vraiment très rapide, oui. Donc c'est juste pour ceux qui ne seraient peut-être pas au courant du typhon qui est passé là récemment au Japon. Non mais attends. Non mais rugby. Suffit de suivre le rugby qu'on est au courant en fait. Ben voilà, mais on sait jamais, tu vois, genre il y a des gens qui vivent dans des grottes, voilà. Donc il y en a notamment qui l'ont vu par rapport au ciel violet qu'il y a eu, donc il y a eu énormément d'images qui ont circulé là-dessus. Mm-hmm. Donc c'était le samedi 12 au dimanche 13 octobre pour le typhon qui a fait 70 morts, 15 disparus, 200 blessés, donc quand même terrible. Ben, mais bilan, les photos, franchement, elles sont magnifiques. Elles portent. Non mais il y a plein de gens qui ont dit ça porte. C'est porteur d'une menace, tu vois. Mais les photos en elles-mêmes, elles sont magnifiques. Donc avant ou après. Est-ce non, que non, tu le ciel, non, le non, ciel qu'il y avait avant. Le ciel qu'il y avait avant. Avant le. Voilà. Okay. Parce t'es que, sûr. Parce qu'il y avait quand même un membre de ma famille au Japon pile à ce moment-là. Et il n'y a pas eu de ciel violet hein, dans ces. Attends. Racontes. Non mais je vais te montrer. C'est bizarre. Je vais après te lui, montrer. Il était à Tokyo. Bah. Ça c'était le ciel violet de Osaka. Alors, ouais, ok. Voilà, et encore une fois, pour ceux qui sont uniquement à l'audio, vous êtes privés d'image. Est-ce que Yacine, tu peux montrer derrière toi ? En vrai, c'est ultra flippant. Mais justement, les couleurs sont très vives. Pour les autres, remonte un petit peu Yacine. Il y a Gigi qui est resté comme ça et le téléphone est parti derrière. Et donc du coup, voilà, pour ceux qui peuvent voir sur le stream actuellement le ciel violet, pour les autres, ce sera à retrouver directement sur notre chaîne YouTube. Donc il y a plein de Japonais. Et vous qui êtes à l'audio, on s'excuse. Il y a plein de Japonais qui ont cru que c'était dans DBZ, t'as vu, sur Namek en fait, ils ont vu le ciel violet, ils se sont dit ça y en est plus. Non, ah merde, il y a Freezer qui débarque. C'est ça. Il y a plein de Japonais qui ont partagé plein d'images, du coup, de plein d'angles différents, forcément de chez eux, qu'ils voyaient, etc. Et il y a un phénomène, c'est un phénomène scientifique qui est expliqué, etc. Je ne vais pas l'expliquer, mais voilà, c'est vraiment à cause du typhon qui allait arriver. Et c'était, on va dire, une sorte d'avertissement. Enfin, on pouvait voir ça un peu comme ça. Hey, t'as vu, chérie, c'est magnifique le ciel. Ouais, qu'est-ce qu'on va morfler. La Terre va être détruite dans 5 minutes. C'est ça. Bon, on a 3 épisodes pour ça, du coup. Merci. C'est ça, 3 épisodes de 40 minutes. Très bien. Merci, à Renata, moi. Pour cet instant nippon. Effectivement, on passe tout de suite au What the Fuck de l'émission. C'est vraiment, mais vraiment What the Fuck. What the Fuck. Le What the Fuck de l'émission, c'est avec toi, Maïlys. Qu'est-ce que tu nous as réservé pour aujourd'hui? Je pense qu'on va le voir à la vidéo, j'ai eu un bug. C'est pas grave. Déjà, qui a vu la dernière vidéo de MXM? Pas moi. Pas moi. Laquelle? La dernière où il ouvre un colis qui date de 6 ans, je crois. Ouais, je l'ai vu. 4 ans, oui. 3 ans. D'accord. Je l'ai vu. Oui. Vous avez vu ce qu'il a reçu? Je me rappelle pas exactement. C'est mais sur la miniature, je crois. Exact. Je me souviens pas, en vrai, je l'ai regardé, j'étais HS, mais bon. Hey, c'est tendancieux, c'est exactement pour toi. Ah oui, oui, c'est bon, je l'ai. Ouais, vas-y. Non, c'est bon. Personne d'autre? Non. Non, vas-y, tu peux balancer. Bon, alors MXM a eu la joie de recevoir un colis qui fait un peu vieux, du style un sexe tricoté. Voilà. Il a eu un avec son nom avec dessus. Son nom, oui. Avec son nom dessus. C'était mignon. Mais ça sert à rien. Pardon? Oui, il a eu un pénis géant tricoté. C'est ça, avec écrit MXM. Les boules étaient quand même un peu petites par rapport à la réelle. Non. Non, sinon ça serait. Bon. Donc un pénis géant, très bien. Ensuite... En vrai, ça peut faire écharpe. Hein. Oui, c'est vrai. Ensuite. Il l'a placé pile au bon moment, sa phrase, ça m'a coupé d'un coup. Ensuite, on a eu le droit à un... Je sais pas dans quel sens le former. On a un gars qui, peut-être, il est pas très bien. Il a enregistré sa voix, faisant semblant qu'il était dans une boîte, enfermé. Du coup, il fait des petits cris. Genre, ah! D'accord, oui. C'est mon moment. Oui, vas-y. Et on à son enterrement... On te juge pas. Ah oui, oui. À son enterrement, ils l'ont rediffusé. Oui. Du coup, on voit les gens autour de sa tombe ouverte. Et ça tombe qui est déjà dans le trou. Oui. Hein? Ça tombe qui est déjà dans le trou. C'est un cercueil. Oui, non, mais là, voilà. Je veux dire que... Son cercueil est dans le trou. Son cercueil est dans le trou, mais il est fermé, t'as vu? Oui. Oui, je sais. Non, mais je et on a le droit à la diffusion. Ça s'appelle pas la tombe. Ah, oui, pardon, oui, le cercueil est dans le trou. Et on a le droit à la diffusion à ce moment-là de ses cris d'aide et de... À un moment, il chante un peu. Et on voit tous les gens autour de la famille. Qui commencent à paniquer. Autour les gens de la famille qui sont heureux avec les mouchoirs. Ah, l'aide. c'était un coup qu'il avait préparé quelques temps avant. Oui. Mais personnellement, je vais l'enregistrer moi, dès maintenant. Moi, je trouve ça pas mal du tout. Je l'enregistrerai dès maintenant et je vais c'est leur dire tellement la bonne idée. Tellement la bonne idée. Tu n'es au courant qu'une seule personne. C'était bizarre quand même. Pour avoir un sens de l'humour très douteux. Ah, ouais, voilà. Arrête, ouais, quand même. Excellent. T'enregistres. À l'aide, putain, je suis encore vivant. Sortez-moi de là comme si t'étais enfermé. Ça casse tellement l'ambiance un peu triste du moment parce que c'est un dernier souvenir que tu laisses à tes proches. C'est malaisant, je préfère. C'est une blague, tu vois. Mais ouais. J'aurais préféré qu'on mette Mulan ou un truc. Après, si tu étais malaisant de base. Non, mais je pense que. Tu étais vivant. Je pense que si le mec a fait ça, ça marcherait super bien dans mon enterrement. Il a ce genre d'humour de base, tu vois. Et du coup, les gens le connaissaient pour ce qu'il devait être. Et du coup, ils ça ne les a pas étonnés, je suppose. Franchement, je veux ça aussi. Ah ouais, je trouve ça bien. Non, parce qu'il souriait à l'enterrement. Fils de pute, qu'il était con. Quel énorme con. C'est pas une grande perte. C'est tout pour moi. C'est tout pour le What the Fuck. Merci beaucoup, Maëlys. Et puis, bien sûr, toute cette émission sera retrouvée en direct sur nos diffuseurs. Et puis, nous, on vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, Tipeee et Discord. On remercie nos diffuseurs Radio No Life, Bad Geek, La Vigie Radio, Spotify, iTunes, Podcloud, Playgeek et Geekonomic, ça en fait, dis donc. Et on se retrouve samedi prochain, 11h30, midi et demi, toujours en live. À la semaine prochaine, portez-vous bien, bisous bisous. Matane. Au revoir. Ciao.